Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Salut les connards. Ok. Qui ça? Attention. Attends, c'est un pudding. Ça va, c'est encore après. Ok, let's go. On va go. Se faire striker, putain, on va se faire striker. Let's go. Je suis pas au courant. Let's go. Oh, 2021, sacrée année. Tu m'étonnes. Le Covid, le pass sanitaire, j'ai grave les nerfs. Tu m'étonnes, merci Macron pour tout ça. Heureusement, tu n'es pas tout seul, nous on est là. Achète le merch. On sera jamais tes amis, mais on est avec toi. Pas très sympa, mais je comprends. Ils imitent, ils hurlent et ils chient. Qui ça? Flo, Pierrot et Adrien. Oh oui. Le bilan 2021. Ouais. Flo, casse numéro 1. Ouais. Oh, Flo casse. Flo, Pierrot et Adrien. Flo casse. Oh, bonjour à tous. Oui. Quel Darka. Putain. On va se faire. C'est 100% Darka. On va se faire striker, mais ça valait, ça valait le coup. Il y a des strikes sur le monde du podcast. Je sais pas trop, mais en même temps, si c'est le cas, nous on avait mis beaucoup de musique dans les épisodes d'avant. Ouais. Mais hey, oh. Oh, ça va. Petite anecdote sur cette chanson. Je t'en prie. Mm-hmm. Donc une chanson de Image qui s'appelle Les Démons de Minuit. Alors ce n'est pas Émile et Image. Non, alors. Non, bah. Attention. Émile Louis et Image d'ailleurs. Non, Émile et Image, c'est quand ils ont fusionné le groupe, ils ont pris le chanteur de Gold, Émile. Ah. Ils ont fusionné avec Image pour faire après des tournées où ils faisaient des chansons des deux groupes. Donc ça aurait pu s'appeler Gold et Image. Mais peut-être que le mais groupe non, parce a qu'il avait que Émile. Bah oui, de Gold. Donc, ah, c'est Émile. Un peu comme la bassiste de Téléphone qui avait dit vous appelez pas Téléphone sans moi. Peut-être qu'ils ont dit le groupe de Gold, il a dit. Elle s'appelait Philippine parce que Téléphone sans fil. Bah non, ça s'appelait Corinne. Ça marche moins bien. Moins bien du coup, ouais. Donc pardon, ton anecdote, excuse-moi. Ouais, en plus, c'est juste que donc les démons de minuit. Il faut savoir qu'il y a un autre tube, peut-être. Non, il y a Maîtresse aussi, mais un autre tube de un des trois autres tubes de Image qui s'appelle Corps à Corps. Le début est vraiment le même que cette chanson, jusque dans les ah ouais la façon de chanter. Je vous invite à écouter Corps à Corps d'Image. Corps à corps. Voilà. Magnifique. Très belle chanson. Nous sommes, comme la chanson l'indiquait, aussi bien interprétée. C'est pour ça qu'on a commencé en retard ? Parce que t'étais en train d'écrire les paroles ? Pas du tout. Je finissais non, de préparer l'émission. Non, mais ça valait le coup. Ah, oui, non, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Donc, pas au courant, Pierre et moi. Nous sommes avec Pierre Lapin oui, et Adrien oui Méniel. Ben oui. Et ça fait très plaisir. Alors, pour les gens qui sont habitués, c'est le moment de l'année où nous faisons le bilan de 2021, que ce soit dans le cinéma, l'actualité également culturelle, ce qui a marqué un peu 2021. Les mêmes aussi souvent. Les mêmes, on a la partie ah oui même. J'ai pas bossé la partie ah même hein, mais non, peut-être mais Pierre, que voilà, il chacun a une mais c'est une connaissance encyclopédique des oui mêmes que tu as oui. Evil Pierre Lapin dit je n'aime pas les mêmes. Oui, parce que t'adores ça. J'adore ça. Là, là t'es en négatif en fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse, bien sûr. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez, on vous invite à aussi écouter les autres années, mais c'est ce qu'on fait à chaque saison. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer par les films. Voilà, puisque les films ont marqué cette année 2021. Alors, les salles ont été fermées une bonne partie de l'année. C'est vrai, un peu l'année aussi où on a beaucoup découvert des films à la télé. Canapé, à la télé. Avec un petit plaid et un petit mug tout chaud. Sur les plateformes. Sur les plateformes, exactement. Donc j'ai pris un peu le top des films qui ont un peu marqué l'année. J'ai pas pris le top Sens Critique parce que il y a plein de films. Vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Okay. Donc, voilà. C'est quand même peuplé de trous de balles aussi, il faut le pardon dire. Pardon, non, mais c'est bon, la vérité. Cela dit, on est bien noté, je crois, le floodcast sur Sens Critique. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fout sur Sens Critique de on est tout pas ce que j'ai fait dans ma vie, je pense que c'est le podcast le mieux noté. Et en vrai, oui, je comprends. Je comprends un peu. Le film qui est revenu, alors c'est pas vraiment pour ordre chronologique, c'est pas vraiment non, mais, c'est de l'ordre comme ça. Je l'ai alors un peu c'est fait, la bonne franquette, faut préciser. Hein. Alors c'est les épisodes vraiment à l'arrache. Hein. Parce si que vous avez êtes habitué à une certaine rigueur, une structure d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est l'épisode un peu foufou. C'est vrai. C'est non, ça. Non, mais il faudrait qu'il faut le dire parce qu'on a, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais là, ça a été une année un peu charnière hein, pour le podcast. Il y a plein de choses qui ont changé. Du merch, je le rappelle. Oui. D'ailleurs, qui sur Trafic. C'est possible. Putain, je crois que c'est le dernier. Genre, si vous écoutez, si vous écoutez le jour de sa sortie. Dépêchez-vous en fait. Mais non, là on est à J-5 donc en fait on sera même il y aura même peut-être deux jours. Il y aura peut-être deux trois. Bon, enfin, maniez-vous d'acheter. Allez-y en fait, qu'est-ce qui vous cassez les masse. Couilles en masse. Et tout ça arrivera avant les fêtes. Bon bref, le premier film est Boîte Noire, un film de Yann Gozlan avec Pierre Niney. Alors Pierre Niney, un frérot du Floodcast d'ailleurs parce qu'il adore il écoute le Floodcast. Il nous écoute la Pierre. Je sais pas s'il écoute celui-là mais il nous a envoyé un message effectivement pour dire qu'il écoutait le Floodcast. Il écoute il envoie des MP souvent pour dire qu'il a écouté et que ça le fait bien rire. Donc on salue Pierrot. Il se tape des bonnes tranches Pierrot, avec la Nine. Pierrot, l'excellente Nine. Ah, il est là, il promène son chien, ça se trouve il nous écoute. On est dans ses oreilles. Il sourit actuellement. Avec également Louis Delage et André Dussolier. Boîte Noire qui raconte l'histoire de quoi, Pierre, si tu devais le résumer Un thriller pour moi. C'est un thriller. Pour moi, c'est un thriller. Oui, qui emprunte beaucoup un peu ce qui se fait aux États-Unis, ce qui est un petit peu audacieux pour la France, mais final, le contrat marche plutôt pas mal. Et ça marche bien. Le contrat est rempli. Le contrat de confiance est rempli. Exactement. C'est Darty. On peut dire que Boîte Noire, c'est Darty. Mais oui, donc c'est l'histoire d'un crash d'avion. Ouais. Et donc du coup quelqu'un qui a une oreille un peu fine qui arrive à déceler des choses dans certains crashs se retrouve sur ce crash d'avion et essaie de déceler la vérité finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il écoute l'enregistrement, il entend que le pilote fait oula, il dit ah, il ralentit. C'est peut-être le moment là, où il y a eu il ralentit en moins 0,5, ce qui fait et le copilote qui fait ah. Ouais. Oui, alors le copilote est joué par Denis Brognard. Ça, c'est la surprise du film. C'est la surprise du film. Il y a d'autres surprises, on vous a pas tout gâché. Ouais. Mais ça, c'est une des premières surprises, effectivement. Exactement. Non, c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Adrien, parce que faut le savoir, Pierre et moi, bon, on regarde un peu ce qui se fait. On suit un peu le cinéma en dilettante. C'est ça, on suit un peu l'actu ciné de loin. Alors que toi, Adrien, moi, je suis très sec. Alors, Adrien, d'ailleurs, ton podcast et le cinéma, ça dit quoi? N'est pas dans beaucoup toujours de pas Spotify Wrapped de 2021. C'est Qu'est-ce vrai, qui s'est passé? Ça, parce que, en fait, je pense que je suis trop pointu sur le cinoche et que ça, les gens ont du mal à suivre parce que moi, c'est référence sur référence sur référence et pas des références d'il y a 3 à 5 ans. Ouais, ouais, des non. références de. C'est du Sidney Lumet. Oui, bien sûr. C'est du. Pour allumer du feu, du, bien sûr. C'est du Capra. Oui, oui. Oui. Enfin, les lumières. Voilà, si j'ai un pied dans le passé, de mes références du passé, un pied dans mes références actuelles, bah, je suis Jean-Claude Van Damme parce que je fais un grand écart, littéralement. Jean-Claude Van Damme, c'est ses références ciné. Oui, oui, ah, d'accord. Bah, voilà, donc c'est pour. Non, parce que les gens, ils découvrent. Voilà. Moi, je regarde tous les films. Tous. J'ai un avis sur tous les films. Je suis. Pierre Tchernia, peut-être, on peut dire. T'es un peu un dinosaure, effectivement. Cinéma, mais quand t'as faim, par exemple, est-ce que tu te fais, je sais pas, à manger ou est-ce que tu. Une toile. Je t'arrête. C'est une toile que je dévore. Non, tu dévores une toile. Bah oui. Ah oui. Donc t'as faim de péloche, quoi. Ouais, à l'apéro, les péloches, par contre. Les péloches à l'apéro et après on passe à la toile. Donc qu'est-ce que t'as pensé de Boîte Noire, du coup, Adrien? Ben, déjà, bon, ça a été dit, thriller à l'américaine. Bien sûr. Voilà. Contrat rempli. Bah, c'est. Je sais pas, c'est un peu une ode à l'aviation finalement, à tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et enfin, le choix de la couleur de la boîte, est-ce que ça c'est un truc qui toi te paraît? Ouais. C'est peut-être le point noir du film. Voilà. Bah, justement, c'est là où vous faites erreur parce que c'est vrai, elles sont vraiment noires dans le. On appelle ça. Alors attention, vraie info. Enfin, comme tout ce que je dis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Je comprenais pas pourquoi tu précisais. Mais dans les avions, les boîtes noires sont orange. Comme je sais pas, mais c'est un vrai président. Truc. C'est-à-dire qu'on dit ah oui, bref, ah oui, bien sûr. Ouais. Qui nous regarde là-haut et qui doit bien se marrer avec Hitler et Mussolini. Je suis également chroniqueur politique en fait. Et Donald, le politique. Quoi, Donald, t'es pas bien là. Ouais, France Inter, embauchez-moi en fait. Je suis chroniqueur. Je dézingue. Non, voilà, moi ça m'a happé. Comme si le hublot d'un avion était ouvert et j'avais été happé comme ça. Voilà. Oh. Le film m'a happé. Je vais pas spoiler la fin, mais grosse surprise sur justement Pierre Niney qui vole quoi. Enfin, je veux pas trop en dire, mais oui, le fait qu'il s'envole lui-même, qui devient un avion et en fait c'est Transformer le film. Ouais. Après, là, c'était. Bah, du coup, j'ai spoilé, pardon. C'est toi qui as spoilé, mais. Non, j'avais dit. Oui, t'as précisé. Après, voilà, il y avait peut-être une scène en trop, je trouve. C'est la scène où, bizarrement, dans l'avion, il commence à jouer à 1, 2, 3 soleil. Ouais. Et avec une petite fille. Oui. Qui chante, non? Qui chante, ouais. Et je dis, ouais, c'est bizarre. Bizarre. Mais bon, après, ça ramène à l'enfance, les jeux d'enfants. C'est dans l'actu. Comme ça. Ouais. Mais après, le fait que le générique de fin soit un remix de la chanson de. Nanana, la boîte noire. C'est la boîte noire dans l'avion qui se crache. Je suis pianiné, j'ai l'oreille absolue. Ouais. Ouais, ouais, on retombe sur ses pieds, je trouve. Du fait que, voilà. Donc, du coup, c'est pas totalement gratuit comme scène. Oui, ça se tient. Ça se tient. Ouais. L'autre film qui a un petit peu marqué. Patrick, cette actualité, ça se tient, l'animateur. Bien sûr. C'est le film Sound of Metal de Darius Marder. Avec Riz Ahmed, Olivia Cook, Paul Ratchi et Mathieu Amalricos. Et non, Mathieu Dénian, qui est étonnamment absent de Sound of Metal. Ouais. Alors. Moi, c'est un des films que j'ai préféré cette année, je vais le dire, j'ai trouvé ça sublime. Oui. C'est un film qu'on a beaucoup attendu en France, qui est sorti il y a genre un an, deux ans presque même. Et au final, qu'on a retrouvé sur Amazon. Non, au ciné. Ah, il est au ciné, ok. Tu l'as téléchargé illégalement comme une ordure, mais il est sorti au cinéma. Non, pas sûr, si. Dans les salles obscures. Dans les salles obscures. Qu'on appelle également boîte noire. Caméra obscura. C'est dans mon podcast Envie de 4K. Ah bon, envie de caca. Ouais. Envie de caca pour la caméra. Oui, le caca. Envie de caca caméra. Envie de caca. C'est une ref au Floodcast. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bon. Parce que lui, il avait son blog. Moi, c'était mon blog Envie de 4K. Oui, toi, c'est Envie de 4K, c'était ton blog. Ouais, c'est ça. Et toi, c'était le cinéma, ça dit quoi. Putain, mais c'est vrai. On a été très actifs cette année. Ah ouais, grosse année. Ouais, ouais. Ouais, Sound of Metal, fou. Ouais, vraiment beau film. Un travail sur le son, justement, assez exceptionnel, quoi. Donc une. En fait, qui raconte l'histoire d'un batteur dans un groupe un peu de hardcore avec sa compagne et qui malheureusement perd l'audition. Donc là, c'est le contraire un peu de boîte noire, c'est ça. Oreille absolue. Tout à fait. Plus d'oreille, le man. C'est ça. Et donc, du coup, petite déprime et il va devoir apprendre avec son handicap. C'est ça. Et, tout ça. Et un discours sur le handicap qu'on n'a pas vu beaucoup. Non, c'est vrai. Assez moderne, assez malin. Ouais. Et Riz Ahmed est super dans incroyable. Le film. Et voilà, non, Sound of Metal, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, je vous le conseille. Alors, je vous le vendrai jamais aussi bien qu'Adrien, oui. mais moi, c'est vraiment un film que je vous conseille. Ah, toi, t'as peut-être pas adoré, Adrien. Si, évidemment. Puis en plus, évidemment, avec la cancel culture, parle de handicap, alors on peut rien dire. Non, mais Adrien, attention. Je suis là, Adrien, on peut se permettre. Attends, je finis ma petite. Oh là là. On peut se permettre. J'ai mon verre. Ici, t'as le droit de parler, tu le sais. Non, je suis Vincent Moscato, tu le sais. J'ai été. Bon, moi, le métal, c'est pas évidemment mon genre musical de prédilection. T'es un hardos, quoi. Oui, non, mais je connais. J'ai des bases, voilà. Si je te dis assez, tu réponds quoi? Oui, voilà, donc ça va. Si je te fais. Tu l'as, ouais, vous l'avez. C'est la discipline. Donc Sound of Metal, Led Zeppelin, oui. Stairway to Heaven. Oui. Donc tu l'as pas en fait. Mais attends, on passera à la musique tout à l'heure. Ouais, tu n'es pas obligé de nous jeter à la gueule ta culture dans tous les domaines. Pas toutes tes cartes. Donc Sound of Metal, ouais. Pardon. Non, alors You Sound of Metal. Oui. You Sound. Alors oui, on l'a fait. Ouais, y a pas de souci. 7 seconds away. Pourquoi vous avez pas rigolé du coup? Pour moi, j'ai vu beaucoup de similitudes avec le scaphandre et le papillon. Oui. Parce que c'est un peu le supplice de Tantale finalement. On a envie de saisir quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Là, en l'occurrence, ce qu'on ne peut pas atteindre, c'est le métal. En tout cas, le son du métal. D'où le titre. A priori, mon analyse, c'est que le titre vient de là. Ça, ouais. Mais évidemment, le métal, ça n'est pas que du son. Non. Le moment où il déguste une gorgée de bière et dit finalement, est-ce que ça, c'est pas le goût du métal? Et c'est Apéro, crie-t-il. Les aficionados du Hellfest apprécieront la référence. D'ailleurs, pour revenir sur la prestation de Riz Ahmed, si on devait le comparer à quelque chose, je pense qu'on peut le comparer à un gros nounours. Ah oui, absolument. C'est un gros nounours. C'est un gros nounours. Et d'ailleurs, il s'est marié avec Fovoto. Il a pris son nom de famille, il s'appelle Risotto maintenant. Bonne blague ou pas? Je suis Stéphane de Groot. Pour moi, c'est la fin de l'émission. C'est marrant parce que ça résume bien ma vie. J'adore et je déteste en même temps cette blague. Je m'adore et je me hais en même temps. Je vais t'expliquer. Moi, pour moi, le jeu de mots est ce qu'il est, mais il y a une. Nous l'as déposé. Un delivery. Oh la vache, c'est. Oh, la c'est quoi, c'était. Ouais. Une merde, mais avec un peu d'origan, un peu de. Bah, sur un très beau plateau. Une merde, mais vraiment un colombin, c'est qui est vraiment enroulé comme ça avec la petite pointe, tu te fais. On se dit, mais ça reste une merde, mais c'est magnifique. C'est un liégeois. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais une. Il y a un glaçage. La plus belle merde que tu verras. Il y a un glaçage comme un donut, quoi. En parlant de glaçage, prenez des petits marrons glacés. Il nous a ramené des marrons glacés. C'est adorable. Mais ouais, du coup, il y a Yann Barthès dans ce film qu'on peut voir, parce qu'à un moment, Riz Ahmed, dans le désespoir, monte son cul. Ouais. Pour montrer qu'il aime le métal. Et c'est là où les comédiens de quotidien le film. Il hurle. D'ailleurs, il a une réplique, mais c'est oulala. Oui, c'est Yann Barthès. Oui, c'est ça. Mais le bon côté, c'est qu'Yann Barthès et le héros se comprennent très bien, puisque tout est écrit sur les cartons de Yann Barthès. Oui, c'est très pratique. Les cartons de Yann Barthès sont quand même très utiles à ce moment-là. Et voilà. Il demande à Riz Ahmed s'il connaît quelques mots en français. Et ce qui est vraiment intéressant. Sauf qu'il est sourd, donc du coup, il n'entend pas ce qu'il lui dit, quoi, malheureusement. Après, je pense qu'il peut lire les cartons tout de même. Cela dit, heureusement, c'est inclusif pour le coup. Après, il y a peut-être encore une fois plus une scène de trop. C'est qu'à un moment, il va dans une réunion pour pouvoir apprendre son handicap, en fait, vu qu'il n'écoute plus. Et il n'entend plus, pardon. Il écoute, mais en vain. Il écoute avec son cœur. Et et puis du coup, donc, dans la réunion, ces personnes qui prennent en compte leur handicap, ils font un espèce de truc bizarre avec des espèces de sucreries qu'ils lèchent. Oui. Avec des formes, des étoiles et tout ça. Dans un premier temps, ils les grattent avec une petite aiguille. Ils les lèchent dans un deuxième temps. Je ne peux pas te laisser dire ça. Il ne lèche pas. Après, il y a même des gens qui trichent parce qu'ils découvrent un briquet par terre. Non, dites pas trop. Les gens n'ont pas vu le film. Voilà, faut pas trop en dire. Oui, c'est vrai. Mais encore une scène un peu bizarrement de trop. Très étrange. Ouais. Mais c'est peut-être aussi une exploration de le fait de lécher. On explore les autres sens. C'est une interprétation. L'autre film, alors là, on est sur un blockbuster, puisque c'est un film que je n'ai pas vu, qui s'intitule No Time to Die. Mourir peut attendre, de la saga James Bond. Alors moi, j'avoue, James Bond, ça m'a toujours cassé les couilles. Pourtant, vous le savez, j'ai des t-shirts mais bardés de pop culture, donc bien sûr, on pourrait se dire il adore ça. Aucun James Bond. Hein? Mais aucun James aucun Bond. James Bond. Aucun non, James Bond. En fait, j'ai jamais aimé James Bond. Alors, je crois que j'ai un peu un truc, et pourtant j'ai été élevé dans un truc familial un peu viriliste. Beauf. Ouais, voilà. C'est une façon de le dire. J'aurais dit viriliste, mais beauf, ça marche très bien. Mais le truc du gars qui séduit toutes les nanas, qui fait des bonnes vannes et qui dit un petit martini, excusez-moi, c'est Yann Barthès là par contre. Oulala, Jean-Luc Mélenchon voulait un martini. Non, mais il y a un truc vraiment qui n'est pas du tout dans mon éducation. Ouais. Moi j'aime bien les héros, même si c'est Schwarzenegger ou Bruce Willis. Ils sont un peu nuls, quoi. Lui il est vraiment trop stylé. Et, donc tout je pense que James Bond, c'est un peu pour les beaufs. Mais qui se croit raffiné, quoi. Ouais, genre les mecs qui achètent des Tesla. Non, mais attends, il a un costard, le mec. Donc c'est stylé, non? T'es un beauf. C'est la même chose que tous les autres films, sauf qu'il a un costard et il relève un sourcil et il fait. Et il est pas youtubeur scientifique. Et alors il lève un sourcil. Et c'est très bizarre. Voir youtubeur tout court. Oui, c'est vrai. Il se touche pas le menton et il lève pas un sourcil. Et c'est très bizarre quand même. Du coup, alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir une géode, un truc. Mais à aucun moment, il en ouvre aucune. Donc voilà. Donc moi, justement, je m'en bats un peu les couilles. Donc j'ai pas vu celui-là. Après, j'aime bien Skyfall. Enfin, c'est des films que je trouve qui ont des qualités vraiment. C'est Adèle qui a fait la chanson de Skyfall. C'est vrai. D'ailleurs, je vais la chanter. Bougez pas. Ok. C'est vrai que c'est ça, c'est vibrant. Ouais. On a perdu beaucoup d'auditeurs et les auditeurs ont perdu beaucoup d'auditions. C'est risible. Et là, on vit Son of Metal en vrai. Mourir peut attendre, je ne l'ai pas vu. Je sais pas, tu l'as vu, Pierre? Non. Non, tu l'as pas vu, ok. Alors que je crois que c'est un des James Bond le plus déconstruit. Paraît-il. Et tu sais que j'aime déconstruire. Et bien sûr, après quoi, une James Bond femme noire, doucement. Mais l'autre truc, c'est que moi, je commence à vieillir et qu'un film où il y a écrit 2h47, flemme. C'est un grand nom. Bien pour sûr moi. Que non. Voilà. Donc, Adrien, toi, est-ce que tu l'as vu quand même? Évidemment. Toi, tu t'es forcé. Évidemment, mais c'est pas parce que j'aime pas James Bond que, enfin voilà, c'est quand même un monument du cinéma, donc je regarde. Le cinéma est une nécessité pour toi. C'est ça, c'est-à-dire que aussi bien que voilà l'insuline pour un diabétique, moi c'est le Cinoche. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, bien sûr. Je ne vais vraiment physiquement pas bien. Oui. Si j'ai pas ma petite dose de Cinoche que contre la main, quoi. Voilà. Ouais. Et effectivement, le James Bond le plus déconstruit. moi j'étais au début un peu perplexe sur le fait que tout se passe sur Twitch. C'est-à-dire que, bon, peut-être des questions de budget, peut-être que ça a été tourné pendant le confinement, oui. Mais c'est-à-dire que toute l'enquête de James Bond se passe sur sa... Alors au début, il y a quand même un quart d'heure de juste du gaming. Ouais. James Bond Gaming. Il remercie les subs. Il remercie les subs. C'est vraiment juste 15 minutes de pur gaming. Ah oui, oui. Alors les amateurs de gaming pourront se régaler. Ah oui, oui. Mais... Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson. Est très drôle dans Benedetta. Enfin, moi, Lambert. Déjà parce que son prénom est Lambert et que c'est un peu marrant. Genre, ça va Lambert. Lambert. Lambert. Donc, dites-le plusieurs fois. Lambert. Lambert. Oui. Ça va Lambert. Pas mal. Stylé, pas si mal. Hein. Viens faire un tour là, Lambert. Ah, Lambert. Ah si tu cherches un peu de gaieté, tu veux dire. Oui, voilà. Entre autres. Donc, Benedetta, est-ce que tu l'as vu, Pierre? Non. Ah, alors moi j'ai vachement aimé aussi Benedetta, mais moi j'aime tous les films. De Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Il fera aller. Trop belle. Bien dans le film. Elle est belle aussi, mais ouais. Elle est vraiment incroyable dans le film. Elle joue trop trop bien. Et je sais pas, en fait, c'est trop bizarre ces films qui, où t'es un peu entre les deux. Mais ça, ouais. J'avais déjà avec ça avec Elle. Je sais pas oui, si tu l'as oui, vu. Oui, un bon entre deux. Heure. C'est ça où des fois tu. Comment? Non. Heure. Non, Elle. Ah, Elle, ouais. Elle avec Isabelle. Isabelle Mergault. Non, avec Isabelle Huppert. Joaquin Phoenix. Ça, c'est dans Heure. C'est Heure. Heure. Ouais. Ouais. C'est ouais. La version anglaise. Oui, un peu, un peu. Après, ça reste un pronom, mais c'est ouais. Pas la bonne ouais. Langue. Ça, après, ça va être quoi? Yel, peut-être. Oh. Oh. Attention, attention. Oh là. Non, mais je veux pas me faire cancel. J'ai juste dit peut-être. Oh. Attention. Bah, maintenant, c'est dans le Larousse. Alors pourquoi pas le mettre dans un podcast? Donc, Benedetta, c'est très cool. Je suis content d'avoir vu au ciné, quand même. Tu sais, ça fait partie de ces films où quand tu les regardes à la télé, t'as moins le. Ça te prend moins au trip. En vrai de vrai, t'as oui, moins l'effet, non, wow. Mais en vrai exactement. De vrai, excuse-moi, je suis journaliste ciné en fait. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est une hérésie de regarder à la télé. Ah ouais? Ah, moi, j'ai un projo à la maison, je peux pas. Là, non, la connais. Non, bah non. Donc, un film sur un smartphone, ça te. Oh, voilà. De l'urticaire. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Et pour calmer de l'urticaire, faut lui mettre un peu de péloche dessus. Ouais, et là, il ira mieux, mais là, pour le moment, c'est l'urticaire. Benedetta? J'ai envie de dire que la mayonnaise a bien pris pour Benedetta. La mayonnaise, ouais, Benedicta. C'est le prochain épisode de mon podcast qui s'appelle comme ça. La mayonnaise a bien pris Benedicta. C'est un podcast que sur le film Benedetta. C'est ça. C'est un film par épisode. Donc, non, très bien. Bah voilà, on est content de voir des acteurs, des actrices francophones. Ah bah oui. Cocorico. Ouais. Bah après le fait qu'il n'ait pas de réplique hein gâche un peu oui, le ouais, fait vrai. Que voilà. Et après. Attends, je suis fatigué. 41 ans. Alors non, mais peut-être. Voilà, bon. Allez-y. Oui. Le film d'après peut-être va plus te parler. Il s'agit de Kaamelott premier volet. Ah, film de Alexandre on Astier. On a gros sur le cœur. Film oui. De Alexandre Astier avec Alexandre Astier. Ouais. Sorti en 2021, cet été. Alors film qui a quand même pas eu de bol parce qu'il est sorti pile au moment de la restriction et du pass sanitaire le 21 juillet. Je m'en souviens. Je venais d'avoir 30 ans, je l'ai. Ouais. Mais qui a quand même fait un énorme carton, qui est quand même le film français qui a le fait le plus d'entrées. Pour le c'est moment, alors ça. On l'enregistre, sachant que d'ici la fin d'année, il y a Les Tuches 4 qui va sortir et que peut-être Les Tuches oui. peut détrôner le roi. Donc, Kaamelott premier volet. Kaamelott premier volet, comédie d'Alexandre Astier. Moi c'est un peu le pédiluve pour moi, à savoir que je ne maîtrisais pas forcément les codes de Kaamelott, juste à travers la fandom, la fanbase, tout en humilité et en retrait. Ouais. En nuance. Feutré. Oui, c'est feutré. Oui, c'est feutré à base de gifs divers, de petites mais pas trop, gifs, mais et pas des trop. Gifs oui, sur pas Yvette trop. Aussi également, oui, d'ailleurs, bien pas sûr. Que. Oui. Très belle ville. Donc j'ai pu voir et du coup j'ai pu découvrir les personnages. Carapuce, Dracofeu, Shiny hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. 10 000 euros. Unboxing Pokémon. Toi, Adrien, sur l'échiquier qui est de Kaamelott, où est-ce que tu te situes? T'es plutôt reine bon, ou est-ce voilà, que t'es plutôt fou? Voilà, déjà, voilà. Qui suis-je pour affronter le roi hein, oui. Avec mon pauvre glaive, hein, évidemment. Je rappelle qu'il possède Excalibur. Donc. qui suis-je avec mon pauvre glaive de journaliste, hein. Mais ah oui, tu connais un peu la mythologie arthurienne, sûr, j'ai l'impression. Bien sûr, non, ouais, ouais. Attention, on est sur du sérieux. Non, en revanche, moi, je trouve, bon, voilà, les fans sont régalés. J'ai trouvé que ça mettait un peu de temps à démarrer parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 45 minutes qui sont juste Alexandre Astier qui joue du clavecin. En costume d'Arthur, hein, juste. C'est là, le fait qu'il soit pas déguisé. C'est-à-dire que c'est une pièce blanche. Ouais. Alexandre Astier arrive, ouais, dit je suis Alexandre Astier. Ouais. Et il joue du clavecin pendant 45 minutes. En résolvant des problèmes de maths. C'est à ça. Haute voix. Ouais. Enfin, il y a une transition, mais c'est ce qu'il fait après. C'est-à-dire qu'il dit oh là là, hé. Il y a des gens qui disent bon, faudrait peut-être commencer le film. Il me fait foutez-moi la paix. Bon, premier rire. Ouais. Et ensuite, on lui amène un tableau Velleda sur roue. Ouais. Et effectivement, là, il joue d'une main et de l'autre, il résout des équations. Et il écrit et il signe, ce qui se fait jamais normalement dans le domaine des mathématiques. Il signe Alexandre Astier en bas. En bas de son équation. Voilà. Ouais. Il salue la caméra et là, le film commence. Le film commence. Je pense que ça aurait pu être des bonus du Blu-ray. Ou peut-être dans le générique de fin à la limite. Voilà, mais... moi j'ai trouvé ça long, un peu. Voilà, c'est ma critique. J'ai trouvé ça un peu long. Un peu long. Avant le film. Mais bon, après voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, oui. Moi, cela dit, toi t'as passé le casting ou pas? Parce que on sait que t'es un Gaulois. Je suis un Gaulois de la télé. T'es un Gaulois de la télé. D'ailleurs, je crois que. Attends. Attendez. Oh. Je pense qu'au moment où le podcast est enregistré, le 3, oui, je crois que c'est genre le 4 ou le 5 décembre que commence. Tu es déjà passé à la télé comme un Gaulois? Alors, pas sûr, parce que je suis quand même dans très peu d'épisodes. Il faut quand même le rappeler sur l'étendue de toute la petite histoire de France. On dit vague, hein, mais bon. Oui, vague. Ça reste un plagiat de Kaamelott, donc on est. C'est clairement l'enfant de scène de ménage et Kaamelott, hein, donc. J'espère que je vais pas perdre le seul taf récurrent que j'ai dans ma carrière à cause de cette blague. Et après, ça restera peu. Donc. Et du coup, tu es un Gaulois sans filtre. Je suis un Gaulois. Oh là là. Gaulois au bout de la nuit. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Pierre Lapin et ses blagues. Let's go. Ok. Donc je suis un Gaulois. J'ai oublié la question totalement. Je disais. Bah non, mais... Je suis un Gaulois. Voilà. C'est quoi? On avance. Le prochain film, c'est Bac Nord de Cédric bien Jiménez sûr. Avec Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou et Adèle Exarchopoulos. Bac Nord, qui aussi était un succès surprise, hein, de cette année, qui a quand même fait énormément d'entrées. Un film, ou quand même un des films d'action, un des mieux filmés que j'ai vu quand même depuis longtemps. Mm-hmm. On parlait de Boîte Noire, qui était un thriller, entre guillemets, à l'américaine sauce française. Mm-hmm. C'est un peu la même ici, c'est un peu un film américain. Caméra au point, embarqué. Exactement, Paul Greengrass. Grâce. The Shield. C'est The Shield. En France. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est porté par des Un casting très fort aussi. Ouais. Porté un casting très fort, une belle histoire et des scènes très très fortes. Ouais. Enfin, moi j'ai une scène qui me revient, c'est à un moment il y a Philippe Lelouch qui est attablé. Donc il y a, parce qu'il y a Gilles Lelouch qui est le héros, mais il y a son frère. Son frère est dans le film. Non, mais peu de gens l'ont repéré. Parce qu'il est en voiture. Il arrive avec le Stig. Voilà. Donc il arrive avec le Stig à table. Voilà. Et à un moment il dit oh là là, tu me sers des tomates. Et il dit moi j'aime pas les tomates. Et t'as Adèle qui est là genre what the fuck en fait, et t'aimes pas les tomates. Et le mec buriné par la vie, il accepte pas de manger de tomates. Et je trouve que c'est un vrai message sur nos policiers en ce moment. C'est vrai. Et je trouve ça assez vibrant, quoi. Vraie surprise par contre, personne ne passe le baccalauréat. Ouais. Dans Bac Nord. J'irais pas jusqu'à dire que le titre est mensonger, mais moi j'ai je vais l'admettre, hein, fan de cinéma, je pensais que c'était la suite de L'élève du cobu. Ah oui. Et qui passait le bac. Ouais. Alors. Pas du tout. Voilà. S'il y a des gens qui, je veux éviter des gens de tomber dans le piège, ça n'a rien à voir avec l'élève du cobu. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'éducation totale, nationale. Une absence totale des lycées Moon dans Bac Nord. Voilà. Donc, mais par contre, il y a eu des rumeurs de McFly et Carlito. Ouais. Qui repasseraient leur bac dans ce film. Qui repasseraient leur Bac Nord. Ouais, ouais. Ça, j'en ai entendu parler. Et l'autre truc, c'est que je crois, vous savez que Marvel lance le multiverse. Ouais, oui, bien et sûr. Apparemment, il y aurait des envies de lancer Les Soudoués passent le Bac Nord. Ou en gros ce serait Daniel Auteuil qui repasse le bac avec effectivement Gilles Lelouch, voilà, avec des policiers. Ouais. Donc voilà, Bac Nord, mais avec l'accent du sud, l'accent de Marseille. Tout à fait. Ouais. Tout le film. Tout à fait. Daniel Auteuil. Tout se passe à Marseille. Qui dit oh peu cher, tu jettes pas la pierre sur la voiture. C'est ça. Mais dis donc, toi, tu maîtrises très bien. Ah, mais je suis acteur en fait. Ah, mais j'avais. Mais tu sais, alors c'est la première fois en 10 ans d'amitié hein, oui. que tu fais l'accent marseillais devant moi et tu le tiens vraiment bien. Bah, bien sûr. Ah, mais je savais pas. Ah, non, mais si, bah, j'ai passé pas mal de vacances dans le sud. Mais le M, c'est le S, j'ai l'impression. Je parle de Marseille et de Méniel, les deux. Les deux sont le M. Oh, Marseillais. Non, mais voilà, moi je alors, si je peux me permettre. Je suis le bac Noring. Adrien le tient un tout petit peu mieux, mais c'est kiff-kiff. Non, non, c'est kiff-kiff. Ah ouais. C'est kiff-kiff. Ouais, ouais, c'est kiff-kiff. Non, mais après, c'est mon métier. Les sardines. Dans le poring. Tu m'as rechopé. Ah, tu m'as rechopé. Ouais, non, mais tu vois, j'ai non, travaillé. Fallait une V2. En fait, il me challenge à Adrien et du coup, je me sens un peu poussé des ailes. C'est on l'est tous. Pour ça que je suis là. Oui, c'est vrai, pour me tirer vers le haut. Mais en vrai, vrai message de Bac Nord. Légaliser la weed, ce qui évitera vraiment beaucoup de violence. Globalement, oui. Voilà, légaliser. Ou alors les flics, vous pouvez. Bah, Darman a démission. Moi, j'ai regardé. Il faut légaliser la ganja. Oui. Et éliminer tous les vendeurs de meca. Tout à fait. Ragasonic. Bah d'ailleurs, entre. Oui, tu peux y aller. Un pétard ou un Ricard, si t'as vraiment le cafard à choisir, y a pas photo. Perso, je choisis le Marocco. Alors, sauf qu'à Marseille, ça se discute entre le Ricard et le pétard. Attention, non, mais parce qu'ils adorent ça. Le Ricard et alors, tu veux un pastaga. Un film qui est sorti directement en plateforme, Justice League. Alors, on l'avait déjà vu en salle, mais la version de Zack Snyder, Snyder Cut. Hashtag Zack Snyder. Release the Snack. Jack Snyder, hein. Oui. C'est pas Zack, hein, c'est Jack. Bonjour. Je suis Jack Snyder. Bonjour. Bonjour, Jack Snyder. Alors, il a été brièvement chroniqueur chez Ruquier, Jack Snyder, et il est silencé dans le cinoche, corps et âme. J'adore le Batman. Alors, alors d'où ça vient cette envie de relancer ce cut qui est de le vôtre, Jacques? Finalement, c'est renouer avec l'enfance qui m'a donné envie et tous ces fans qui m'ont pété les couilles. Quelle belle réponse vous nous avez offert. Quelle belle réponse, Jacques. Alors, Adrien, toi... Ouais, par rapport à me substituer, on a le réel. Je veux pas non plus. Voilà, c'est délicat, mais. Non, mais toi, t'avais vu la cut d'avant. Alors moi, j'avais fait mon propre cut. Voilà. La Ligue des Justiciers que j'avais, parce que moi, j'adore mon pays. Donc la Méniel's Cut. Oui. La Méniel's Cut que je vends. Ah oui, en NFT, exactement. C'est intégré dans la blockchain, carrément. C'est absolument intégré dans la blockchain pour une valeur de 500 000 bitcoins. Ethereum. Ah oui, c'est l'Ether. C'est l'Ethereum, pardon. Oui, okay. Bien sûr, évidemment. Je voulais voir si tu suivais. Oui. Putain, les amoureux de blockchain se régalent là. Ah oui, bien sûr. Et c'est, ça se présente sous la forme de 254 vines. C'est. Mais alors, tu pètes les formats en fait. Et donc du coup, ça raconte quoi les justiciers? Bah comme son nom l'indique, hein, on a quand même une sacrée ribambelle de justiciers. Oui, alors tu peux nous citer d'ailleurs tous les héros. Bien sûr. Alors Batman. Ok. Aquaman. Ça change pas. Du Aquaman, ouais. C'est Wonder Woman. Wonder Woman. Ok. Superman. Jean-Jacques Goldman. Qui au début ne veut pas trop rejoindre la ligue parce qu'il a plutôt tendance à marcher seul. C'est ça. Mais très vite, j'ai des chaînes qui pendent à mon cou, ça va me gêner dans mes actions. Mais il dit après, si jamais vous faites un signe, il suffira d'un signe pour que je vous rejoigne. Et puis c'est vrai que elle, bon, elle a fait un bébé toute seule, mais ensemble on peut faire la Justice League. Oui, voilà c'est ça. Mais c'est vrai. Et ils lui disent où sont les méchants, ils sont là-bas. En fait, ils sont vraiment. Ils les pointent du doigt, ils sont juste là-bas. Au début, ils lui disent quand même, n'y va pas, hein, mais au final, il y va. Ouais. Non, mais bon, bref. Et puis. Il fait tourner des violons. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Oui, bien sûr. Pardon. Bien sûr. Oui. Mais du coup, t'as pas essayé de franciser, du coup. Si. Batman, mais ça reste. Après, je veux pas spoiler. Non, c'est mon travail. Oui, non. La Palme d'Or 2021, le film Titane de Julia Ducournau avec Vincent Lindon, Agathe Roussel et Garance Marillier. Cocorico. Et rien à voir avec Titanic. Non. Encore une fois, je me suis fait avoir. Aucun rapport. Aucun rapport. J'ai vraiment cru que c'était. Hic à la fin. J'ai cru que c'était une préquelle. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport avec Titanic. Là, on est plus sur. Quoi, une fable finalement. Une fable horrifique, un film d'horreur. Enfin, horreur encore, plus un drame en vrai. C'est d'ailleurs moi personnellement la partie que j'ai préférée. C'est un thriller. Ouais, encore. Ouais. C'est un thriller à la boîte noire pour moi. Ouais. En fait, c'est boîte noire. Oui. Si la boîte est en titane, ça peut se Ça peut marcher. Elle faut vérifier, elle ouais. sera très solide mais également très légère. Ouais. Donc et en même temps, c'est efficace. Ce qui n'est pas du tout le cas du film puisqu'il n'est pas léger du tout. Oh, c'est très lourd. Attention. Bien sûr. Mais très solide. Donc peut-être aura dû s'appeler Acier. Parce Alexandre. Alexandre Acier, on retombe toujours sur Kaamelott, c'est ça qui est fou. C'est oui, bah, chaque c'est film, là où il est fort. Son chaque of film. Titan. Mais je crois que chaque film, d'ailleurs, on a oublié de le préciser à chaque fois, chaque film fait une référence à Kaamelott. Oui. Chaque film qui est sorti en 2021. C'est ça, vrai. C'est fort. C'est ça qui est fou. C'est vrai. Il a percé le mec. Bah ouais, ouais. Le moment où, dans Boîte Noire, par exemple, là, il écoute les enregistrements, ouais. Et puis il y a des harmonies, et il dit non, c'est la note, c'est pas la bonne note et tout. Bon, bah, c'est une référence à quelle note. Oui. Ah, et tout ça, et tout ce genre de choses. Tout ce genre de choses. Donc, Titane, moi j'ai vraiment aimé la partie drame avec Vincent Lindon et donc avec Agathe Roussel. Presque plus que la partie gore. Qui était et un chouette, peu what the fun fuck. Et un peu what the fuck. Ouais. Je crois que c'est un peu une série B en vrai, oui. Mais qui s'assume pour qui moi. S'assume. Et c'est pas du tout un gros mot d'ailleurs. Oui, oui, mais bien moi, sûr. J'ai vraiment... Et en fait, plus un peu comme avec James Bond et Twitch, enfin, il faut accepter le contrat. Faut accepter le contrat. C'est un peu débilos. Je te prends la main, accepte cette main, mais je te tends, ouais. Et on y va, et c'est un voyage. Et c'est assez enfin, c'est noir et en même temps fun. Ouais, c'est feu noir. C'est feu noir. D'ailleurs, c'était le premier titre, je crois. Qui est un Pokémon, je crois. Feu noir, effectivement. Passe par feu noir. Passe par feu. Ouais, le manager de Weshden. Oui, bah c'est la ref. Ah, c'est ça. Ouais. Bah, j'ai un délai comme dans Twitch en fait. J'essaie de raccrocher les titans. combien de Frankie sur 5 pour Titan? Alors, je vais en mettre 4. Ah, quand même. Malheureusement. Ouais. Pourquoi alors? Pourquoi un Frankie de moins que 5? J'ai détesté la fin. Ah, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle laisse pas un... Warning, ouais. Spoiler, mais je vais spoiler. On peut peut-être en parler. Je vais spoiler. Alors, c'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui se tient parfaitement du début à presque à la fin. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais quand au milieu de cette tension dramatique et horrifique, un peu comme tu disais, bon, on pense qu'il va y avoir une résolution, on va enfin avoir des explications. Bien sûr. Et là, on entend. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les personnages disent, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ouais. Je me souviens que Vincent Lindon met ses poings sur sa taille. Voilà, il tape du pied, mais qu'est-ce que c'est? Et là, il voit, et là, il y a un quadrupède. Alors, c'est quoi? C'est un cheval? Ouais. Non, c'est un peu plus petit. C'est vraiment beaucoup plus petit. Et ils disent, c'est un petit âne. Et c'est la fin, comme ça, directement. Et donc, il n'y a aucune explication. C'est juste un jeu de mots, je pense. Ouais, c'est bizarre. Petit âne. C'est vrai que c'est un peu. Et pour moi, j'ai envie de dire, bah, c'est trop. Petite âme, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça, voilà. Donc c'est ça. Tu l'avais mis dans ton blog. C'est vrai que j'avais mis évidemment les balises spoilers et tout pour pas. Ouais. Mais voilà, si je fais le Méniel Cut, j'intégrerai une vraie fin. Ouais. Il reste deux films à parler. Le film Annette de Léos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg. Moi, un film que j'ai vachement adoré. La musique aussi. Des Sparks. La musique des Sparks. Écrit par les Sparks. Bon, ouais, mon gars. J'ai l'impression qu'on est avec Thomas VDB qui est avec nous. Non, c'est pas du tout. Venez, on fait les VDBs. C'est un peu les. Allez, mon gars. Allez, mon gars. C'est devenu pas trop soi. Allez, mon gars. Tu m'étonnes. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Encore, j'adore ça, corne. Oh, j'adore ça. Oh, c'est excellent. C'est excellent, mon gars. Eh ouais, mon gars. Ah, bonjour, chien. C'est bonjour, chien, ça. Voyons. Slipknot. Donc, Annette. Film vachement bien, Adrien. Annette. Ouais. Alors. Parce que encore à Cannes, une fois. À Cannes. Si je peux me permettre. À Cab. Non, à Cab. Déjà. Si, à Cab. Ah oui, déjà, évidemment. Contre, ouais. Mais à Cannes, le film a été beaucoup applaudi. Les ouais. gens ont même fait quand même une standing ovation, ce qui ouais. fait que alors, quand même Pierre Lescure a dit, on se lève tous pour Annette. Non, c'est les mots qu'il a utilisés. On se lève tous pour Annette. Ouais. Annette. Et là, il y a un joueur de tennis qui a dit on remet ça. Qui est venu dans la salle pour dire on remet ça. Pierre Lescure a dit attendez, on vient de se taper 2h30. Ouais, mais ils l'ont remis. Avec grand plaisir, ils l'ont remis. Avec grand plaisir, ouais. On remet ça, mais il l'a fait en derrière. Enfin bon, bref. Alors, ça moi, une j'étais. Histoire. Ouais. J'étais dans la salle. Ah, t'étais à Cannes. Et. Bien. Est-ce que j'étais c'est vrai que j'ai vu la photo. J'ai vu la photo où tu prends en photo ta petite carte de presse. Non mais si je suis pas invité à Cannes, qui est invité à Cannes? C'est vrai. On attend ta petite vidéo sur Sens Critique, où tu résumes quelques films. Mon site de prédilection. Bien sûr. Et je suis éclaireur en fait, juste tout simplement. Voilà. Ah t'es éclaireur. Je suis top éclaireur sur Sens Critique. Putain, génial. T'as des badges et tout? Plusieurs badges. Ok, d'accord. Mais j'étais combien de badges? Juste pardon pour savoir. Non mais bien sûr. 17. J'ai 17 badges. 18 badges. À l'heure où on parle, j'en ai peut-être 18. Ah. Ça va très vite en fait. D'accord, ok. Pas 20 badges. 20, ce serait. Ce serait pas du tout dingue d'imaginer que j'ai 20 badges. Ah, ok. Je compte pas non plus vraiment chaque jour le nombre de badges que j'ai. Mais 21 badges, quoi. Je pourrais totalement en avoir 21. 21. Après, ouais. 26 ouais. badges. C'est pas déconnant. D'accord. Si je voyais là mon compte Sens Critique, tu te dirais, s'il y a 12 badges, je dirais c'est peu. Ouais. Mais après, je verrais le petit plus sur lequel il faut cliquer. Ouais. Et là, du coup, il y aurait plus. Voilà. Ouais. Si on a 32. 14 de plus. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 32. 32, ok. Après, tout dépend de la mise en page du site. Si bien ça, sûr. Ça oui, peut oui, peut-être c'est... rapidement déglinguer 40, la mise en page. 40 badges. 40 badges. Je pourrais avoir 40 badges. 40 badges. Bénédicte 40 badges, c'est pas une d'ailleurs. Oui, j'allais dire, c'est pas une blague 40 badges. Hein. C'est... Oh. Et donc, Annette, j'étais dans la salle, moi. Ah oui, donc voilà, quand, le fameux joueur de tennis bien a dit sûr. On remet ça et on a remis le film. Et j'étais, évidemment. J'avoue. Alors bon, j'ai gardé mon âme d'enfant, donc je me fais souvent avoir. J'ai cru que c'était le biopic de Annette de Premier Baiser. Oui, bien le sûr. Personnage. J'étais perdu pendant tout le film. J'ai dit, elle arrive quand? Oui, elle arrive quand? Ouais. On n'a pas vu Monsieur Girard. Une seule fois. Ouais. Giant Cuckoo absent. Absent. Moi je pensais qu'ils allaient faire un peu une Paul Walker où ils allaient recréer Giant Cuckoo. Bien sûr, en 3D. En hommage. En deepfake, quelque chose comme ça. Je savais que Frank Gastambide avait été consultant sur le film, donc je me dis peut-être qu'il y avait. Oui, il y a moyen de trouver. Aucun personnage de Premier Baiser. Et c'est vraiment à la fin que j'ai compris que c'est pas ça du tout. Non, c'est pas du tout. Le fait de le revoir une deuxième fois, moi, m'a rendu service. Très bien. Après, bon film. Bon, après, 42 que... badges. 42 badges est vraiment quelque chose que je peux envisager sans rougir. Après, oui, pardon, vas-y. Non, mais je dis, c'est quand même un film super long pour un truc qui peut paraître assez anecdotique. Ce qu'on me rappelle, c'est quand même un apprenti cuisinier qui est dans sa cuisine. Mm-hmm. Et qui est en train de confectionner un petit plat. Ouais. Un petit plat, par contre. Un petit plat. Ouais. Et là, il prépare, il va envoyer le plat. Mm-hmm. Et là, il y a Cyril Lignac qui débarque. Ouais. Et qui fait oh, la nette! Tu n'as pas mis la nette! Oh, c'est croquant. C'est croquant. Croquant. Croquant. Croquant. Et on en revient à Bac Nord. 53 badges. Voilà. Dune de Denis Villeneuve. Et ce sera le dernier film. Et de deux. Allez. Comment? Dune et de deux. Dune et de deux. Non, bon, rien. Ah oui, en Dune, bien sûr. Bah oui. Ah ouais, je commence à être fatigué. Ah oui, non, Dune, pas déjà. De Denis... non, alors, Dune, j'ai adoré. Oui. Et de deux, je suis pas le seul. C'est ça, là, tu vois. 63 badges. J'ai pourtant. Vraiment beaucoup plus. C'est, ouais. Enfin, tout est. 63, en tout cas. Je tomberais pas de ma chaise si on me l'annonçait. Que je... Voilà. Ouais. 64. 64, c'est vraiment du pari au même pour moi. C'est un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Alors le casting, voilà. C'est un casting combien d'étoiles, Adrien? Oh bah 5. Oh bah 5 étoiles. 5 étoiles. Bah oui, si c'était un hôtel, ce serait un leaking size. Voilà. Ce serait le grand hôtel de Cabourg. De Cabourg, Groom. Où a été tourné Groom. Gratos. C'est toujours gratos sur YouTube, allez voir. Ça nous fait. On se gave de droits d'auteur sur cette série. Oh là là, pas moins de 30 balles. À l'heure où je vous parle, je peux facilement acheter PES 2008. Ouais. C'est Micromania. Cash Express. Voilà, je peux me régaler en tout cas. Ouais. Voilà, facile. Et donc, Dune. Je peux même pas m'acheter du merch Floodcast avec les droits d'auteur de Groom, malheureusement. Non, je ne peux même pas payer les frais de port du truc. Oui. Dune, alors toi, je sais que t'es fan de Denis Villeneuve. Ah ouais, Pierre. Très très fan. Ouais, non, ouais. Non, un peu, c'est. Je crois que c'est le film de la réconciliation. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la réconciliation avec Denis. Non, mais c'est. Ah, tu fais partie de ces gens qui parlent des réalisateurs ouais. par leur prénom. De voilà. deux, ouais. Ouais, de... ouais, bah c'est pour ça. Tu te permets, ouais. D'une, de deux, ouais. de mon de deux, et non, mais c'est un blockbuster. Tu c'est vois. Un blockbuster. Voilà. Non, pas la blockchain. Ça commence par non, il n'est pas intégré à la blockchain. Non, pas intégré, pas non, du peut-être tout. Le deux. Peut-être le deux. Mais non, mais il y a Hans Zimmer qui te crie dans les oreilles. Alors, ça, c'est une vraie question que je voulais te poser, ouais. Pierre. Est-ce que c'est moi où le mix faisait que la musique était très puissante. Ah oui, mais complètement. On est d'accord. Donc oui, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, des auditeurs du podcast qui doivent être peut-être pas habitués à ce que d'un coup il y ait des hurlements dans leurs oreilles. Bien sûr, ouais, si vous avez vu Dune, est-ce que ça vous a choqué? Je me pose vraiment la question parce que moi j'ai eu l'impression que c'était mixé trop. Et pourtant je l'ai vu chez Warner parce que comme Adrien, je suis invité à des petits événements privés. Ah oui, j'étais dans une très belle salle pour voir le film. Je l'ai vu chez Denis Villeneuve. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Je fais le tweetos. Hey, c'est une pub de parfum ou quoi? Oh non, non, mais toi. Arrête, Timothée Chalamet, il ressemble à Zemmour ou quoi? Après, il est trop mignon, je trouve. Il est trop mignon. Il est le petit acteur. Il est trop mignon. Il est trop mignon, le petit acteur. L'homme de trop mignon. Le petit Chalamet. Oh oui. Oui. Non mais du coup, on a hâte de voir le 2. Oui, tout à fait. 1200. Ouais. Adrien, moi, ta scène préférée? Le verre dans le sable là. Très bien. Et ben c'est ça clôture bah très, ouais, très bien ce temps, segment. Ouais, mais moi j'ai détesté Acarolot avec le truc des Rosamund des Pike. EHPAD. Horrible. À chier. Horrible. Et Godzilla versus Kong, ça m'a saoulé aussi. Godzilla versus Kong, il y a un truc assez fou. Kong. Oh putain, Kong. C'est pas Godzilla dit ça. Godzilla dit ça. Oh, tu es grand ou quoi? Le sais-je. Bon, tu es mère, Kong. Tu es Kong. Putain. Putain Kong. Putain de Kong là. Je suis un lézard. Tu es Robert Fresnel. C'est lézard. C'est Mathieu Madénian qui joue Godzilla. Qui joue Godzilla. Il est pas dans le film. Il a joué le furet et Godzilla. C'est ses deux rôles de cette année. Non mais Godzilla vs Kong, et c'est une vraie scène que je vous raconte. Donc Godzilla vs Kong, le méchant à la fin, c'est un robot Godzilla, d'accord? Bien sûr. Ah oui. Et il est contrôlé par un ordinateur portable. Pour l'instant, pour moi, ça me vend le film. Mais non, j'attends mais... de. Oui. Et à un moment, pour expliquer, donc c'est un robot Godzilla que les humains ont créé pour tuer Godzilla, ok? Okay. Et à un moment, le méchant. Combattre le mal par le mal, finalement. Oui, exactement. Non, je connais. Sauf que là, et là, beau message pour la société française, américaine, pardon, où on se prend pour des dieux, en fait. Boston Dynamics. Il renverse un verre d'eau sur l'ordinateur. Aïe, aïe, aïe. Ce qui fait que le robot Godzilla devient fou. C'est vraiment bon, écrit. C'est un enfant de 6 ans. 6 ans et demi. Moi, j'aime bien. Et ils font après. Oh mon dieu, bah voilà, il est incontrôlable maintenant. Bah, nous voilà bien. Bah, c'est plus qu'un enfant de 6 ans. Pour moi, c'est plus une personne de 83 ans qui a écrit ça. Mais bah, attends, si je reviens de l'eau, l'ordi va prendre feu, non? C'est incroyable. C'est peut-être Jack Snyder qui a écrit. Ouais, c'est ça. Jack Snyder. Alors qu'à la fin. Alors qu'à la... Ah, oui, non, mais alors que pour moi, à la fin, il suffisait de mettre robot Godzilla. Godzilla dans du riz et puis voilà, il revenait, et voilà, et tout allait bien, voilà, ça permettait de terminer le film tranquillement, doublé par risotto, et puis on oui, était voilà, on était bien quoi. Non, mais ça m'a refait du bien risotto là, on dirait. Et il Suicide Squad qui était un peu vachement bien fond. J'ai rigolo. Adoré Suicide Squad, ouais. Rigolo, j'ai vu Candyman, j'ai bien aimé aussi, pas vu. Un peu écœurant. Oh. Faut pas le regarder trop. Ouais. Candyman. Oui. Ouais. Attention, surtout les diabétiques. Hyper, ouais. C'est la suite de Carrie. Non, mais je sais pas. Enfin. Le nouveau spectacle d'Adrien qui s'appelle non mais je sais pas, où il fait des blagues et à la fin il fait non mais je sais pas, mes épaules sont vraiment très très levées sur l'affiche. Non mais je sais pas. Oh ben bon, bah mon vélo là, même bon... un peu. Oui. Oh, je sais pas, puis, bon. Puis merde. Ouais, ouais, voilà. Voilà, bah, bon, c'est allez, un film, quoi. Les événements de l'année. J'ai demandé aux auditeurs via le Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. En vrai, c'est marrant parce que j'ai reçu des messages sur Instagram. Décidément, je reçois plein de messages. Hein, vous avez remarqué. C'est fou, ça. T'es multiplateforme. Je suis multiplateforme. Ouais, je non, mais sur Instagram, qui me disait mais où est-ce qu'on peut poser des questions aux invités? C'est vrai qu'à chaque fois, je dis on bah, oui. répond aux questions des invités. What the fuck, faut nous fait. Suivre sur Twitter et sur Twitter, à chaque fois, on annonce en avance les invités. Et vous avez un lien Curious Cat pour que vous puissiez poser vos questions. Pourquoi j'utilise encore Curious Cat, pardon? C'est parce que ça permet d'être Fast anonyme Cat, et ouais. ça évite de spammer, parce qu'il faut savoir que quand les gens sur Twitter disent répondez aux questions, ça permet aussi de distribuer un peu le compte partout, puisque bien sûr. Voilà, ça permet de spammer de dingue. Nous on veut éviter ça, donc c'est pour ça qu'on utilise Curious Cat. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, c'est là où on annonce un peu les invités en avant. Bah, tu peux dire le nom twitter.com/floodcastpod. Exactement. Et là j'avais demandé selon vous quel était les événements qui ont marqué l'année 2021. Alors celui qui est revenu beaucoup, c'est quelque chose qui n'était pas dans notre vie avant et qui est là maintenant au quotidien. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Squid Game. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire qui a été instauré en France en juin durant la pandémie du Covid. Ça va vite. Ça défile. Qui est, il s'obtient sur une présentation d'un attestation de vaccination complète, d'un test virologique négatif de moins de 48 ou 72 heures ou d'un test positif de moins de 6 mois. Il est interopérable, vrai mot que je vous offre, avec les autres certificats Covid numériques de l'Union Européenne. Tu m'étonnes. Et ce qui permet maintenant d'accéder à des lieux comme les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les avions, les trains, les bus, les cinémas, les salles de théâtre. Heureusement. Est-ce que vous, c'est un truc... déjà, toi, t'as été vacciné très tôt, Pierre ? Eh oui. Car j'ai usé de mon privilège de myopathe. Bien sûr. Parce que le fameux privilège de myopathe dont parle Zemmour dans sa vidéo. Bah je check en fait. Souvent le matin, enfin moi en tant que personne déconstruit, je suis là ce matin, genre oh putain, je suis myopathe. C'est vrai que j'étais là, je me suis dit, mais dis donc, il est pas du tout monté. Complètement déconstruit. L'inverse. Je suis une calax. Littéralement une calax que tu peux pas remonter. Calax criminel d'ailleurs. Calax criminel. Exactement. Qui est bien pour mettre des vinyles dedans. 1300 pages. Oui, donc j'ai pu disposer ça et du coup là je me retrouve baisé pour la troisième dose. Du coup. Comment ça ? Là, c'est le bordel un peu. C'est le bordel parce que moi j'attendais gentiment mon tour. Je sais pas que la sécurité sociale me dise c'est à vous monsieur après 65 ans. Anne-Sophie Lapix d'ailleurs te dit c'est à vous aussi. Exactement, bien sûr, c'est Anne-Sophie Lapix, c'est vrai. Je sais pas. Non. C'était elle avant, non ? Ah, c'est non, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Non. Je confonds les femmes. Je confonds les femmes. Je confonds les femmes. C'était Elisabeth Lemoine. Ah voilà. Et non mais du coup là je galère un peu parce qu'il y a tous les valides qui se décident. Bah non, je suis extrémiste. Ah oui, bah je vois ça. Et il y a tous les valides qui me cassent les couilles. Du coup, je suis pas de troisième Covid. Et t'as même pas ton rendez-vous ? Peut-être le 6, j'ai peut-être essayé. Okay. 6 décembre. Ouais. Vous avez fait ce truc qui était un peu c'était genre les mecs qui avaient faire un faux pass sanitaire, ouais, je l'ai fait. Non, de mettre en fond d'écran, je trouve ça très triste. Il y a des gens qui mettent ça en fond d'écran. Moi j'ai mis un widget. C'est quoi un widget, pardon? Alors un widget. Widget. Le dernier Mega Brain. Non, vous vous rappelez pas? Widget si, Mega Brain. Des dessins animés. Oui. Non mais widget, tu vois, j'ai pu hop. Ah oui. Là actuellement, je monte mon iPhone, je scroll, hop. Tu scrolles, attends. Pas mal. Mais moi j'ai pas réussi à faire ça. Moi non plus, j'arrive pas. Donc en fait, c'est pour dire aux gens, je l'ai directement sur mon interface smartphone sans s'ouvrir l'application. Mais on est d'accord que on ne suit plus trop les infos sur le Covid ou pas? Là, j'y suis pas mal là. Oui, la T2 Terre. Là, il y a quand même une incidence à le variant qui 326. Arrive. 326. C'est-à-dire en considération pour 100 000 habitants, je sais pas quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Donc l'incidence, la semaine dernière, on était à 216. Aujourd'hui, on est à 326. Donc ça monte. La vague commence à monter. Préparez-vous, Kelly Slater du vaccin. Oh. Nous sommes dans le noir actuellement partout en France. Et d'ailleurs, Aurélien Prévost va faire une vidéo avec nous. Ah, bien sûr. Moi, j'allais dire qu'on était à l'intérieur d'une boîte, peut-être. Possiblement. Et du coup, la France va devoir jongler avec une balle de tennis et faire un record. Et inviter peut-être un nouveau pays. Peut-être Frédéric Gladieux et à Nice aussi. Ah oui, bien sûr. Avec nous. Et non, mais donc du coup, là, c'est la merde. Et puis, il y a eu le nouveau variant qui s'appelle Omicron. Omicron. Oh lolo, comme par hasard. Moi, j'ai bien aimé Omicrote que. Pour moi. J'aime bien que Christine Boutin se soit dit, je sais pas si vous avez suivi ce truc-là sur Twitter, elle a dit tiens, Omicron, à quelques mois des élections. On essaie de nous le rentrer dans le crâne, le candidat. Et tu fais, pas via un virus, du coup. Si à la limite, il avait dit, bon, maintenant, les fêtes de Noël vont s'appeler les fêtes de Macron. Bon, à la limite. Ouais. À la limite, j'aurais fait, effectivement, là, il y a un petit complot. Elle est très stupide. Qu'est-ce qu'elle est con. Oh là là. Ouais. Non, mais disons-le. Christine Boutin, pardon, ne le prends pas mal. Tu es demeurée, quand même. Après, elle essaie d'exister, la pauvre. Ah, la pauvre. Ouais. Mais elle a fait un malaise, je rappelle. C'est vrai. Il y a quelques années. Ça a été un mème. C'est vrai que tu te souviens de mème qui date. Ah, mais moi, attention, les mèmes. C'est dans mes veines. C'est quoi le attention, les mèmes, ton autre podcast. Le plus vieux mème. Ouais. C'est pas Charlie Beat My Finger. Non, mais Forever Alone. Pour toi, Forever Alone. Ah, oui, c'était les mêmes. Les Rage Face. Gag. Ouais, les Rage Face. Mais sur les. Là, par exemple, sur les restaurants, par exemple, je suis quelqu'un qui fait énormément de restaurants. Oui, t'adore ça. Des rendez-vous professionnels. Où ça récemment déjà? Récemment, je suis allé au Hard Rock Café seul. Et tu as fait déjà très belles images. Déjà, le Hard Rock Café avec des gens, c'est déjà un peu triste, mais alors seul. J'y vais seul, alors vous savez pourquoi? Il y a des grattes au mur, il y a des guitares au mur. Non, c'est. Les sodas sont à volonté. Les derniers endroits où le Mitchell. Tu veux une Cadillac, mon pote? T'as pris une mentalo, enfoiré. J'ai pris une mentalo. Bah, c'est ma dernière séance. C'est Yves Montand que tu fais pas, quoi. C'était la séance. C'est Eddie Mitchell. Bon, bref, il y avait du coca. Il y avait le coca et à volonté au Hard Rock Café et j'ai fait des rencontres folles. J'ai vu. C'est vrai. La vidéo parlerait plus, mais j'ai vu une femme qui était bon, ça, ça rajoute un peu l'anecdote, mais extrêmement refait du visage et pas très bien, voilà, ouais. Qui était très botoxé. Et il y avait un groupe de cinquantenaires qui était un peu bourrax, qui arrivait vraiment en fin de soirée. Il y en avait un qui dansait comme ça tout le temps, mmh. Et qui a fait une danse comment dire, une parade amoureuse, ouais, ouais, une parade amoureuse où il faisait où il faisait le flingue avec les doigts et il faisait pampan sur la femme très refaite qui avait 22 ans, quoi, une très très Dubaï dans l'esprit. Elle avait le visage refait à 22 ans. À 22 ans, ouais, ouais, non, c'était très particulier. C'est... Non, oui, mais pourquoi pas, arrive, mais il y avait une ambiance. Et donc, lui avait 50 piges, il lui fait pampan avec les doigts, donc c'est un peu gênant, tu dis. Ah, ne dis pas qu'elle avait le visage refait parce qu'elle s'était pris une balle dans le visage. Non, non, la fin est moins bien de mon côté, non, du pardon, coup. Désolé. Mais il fait le truc, il lui fait le lasso, genre je t'attrape. Ah, et mais tout. Non. Si, si, il lui fait des choses et elle commence à lui faire coucou et tout. Coucou et tout, l'émission de Chavannes. Ouais, bien sûr. Et donc, il s'approche. Et là, je me fais, ah là, là, c'est terrible. Là, ça devient vraiment gênant. Il l'accoste et tout, alors qu'il s'appelle même pas Vincent. Vincent, ouais, d'accord, ouais, le jeune acteur. Il y va, et là, twist. Non elle, pas à Saint-Tropez, mais dans le Hard Rock Café. Elle le galoche. Elle se lève et elle danse avec lui. Mais dans une ambiance où la musique n'est pas forte. C'est-à-dire que c'est vraiment un resto. Vous êtes déjà allé au restaurant. Il s'amuse, il s'amuse. Et donc vraiment. Ça dansait un peu sexy, sexy dance. Sexy pour toi ou pour moi, pour tout le monde. D'accord, hein, okay, d'accord. Ouais, ouais. C'est un partage. Mais du coup, la scène était complètement surréaliste parce que d'un coup, ils se sont mis à danser. Ils se connaissaient pas du tout. Deux âges très différents. Voilà. Deux étrangers au bout du monde d'ailleurs. Si différents. Deux inconnus, mais anonymes. Ouais, anonymes. Et pourtant, et ouais. Pourtant, et pourtant il dort. Petit portoricain. Ah, bon, bref. Non, je pensais qu'il était pulvérisé sur l'hôtel. Oui, oui. Non, je suis Renaud. Bon, et pourquoi je parlais de ça? Je sais pas, t'es allé voir un café. Non, mais non, oui, voilà. Le restaurant, mais le pass sanitaire. Ils avaient leur pass sanitaire. Ça ne demandait pas le pass sanitaire. Non, mais c'est un scandale. Ah, mais ça, beaucoup... Les serveurs n'ont plus de masque. Voilà, oui, donc j'étais quand même très surpris. On parle de reconfinement et il y a plus. Les gens font moins gaffe, j'ai l'impression. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient non, mais de toute façon, là, dans un mois, c'est fini le pass sanitaire. Ouais, non. Mais pas l'inverse, en fait. Mais surtout l'hiver. À cause des gens qui disent on le demande plus, parce que bah, du coup, on repart pour. Surtout l'hiver. L'hiver, c'est quand même là, quand il fait froid, qu'on chope le plus facilement des virus. Bah, c'est ça. Je crois que ça n'a aucun rapport. Connard de virus. Bah, si. Tu vois bien que les chiffres montent de ouf quand c'est l'hiver. Pas sûr que ça ait vraiment un point. Ah ouais, quand il fait froid, il y a de l'incidence, ils disent quand même il y a des si. Trucs où les gens sont plus dans le renfermé. Les gars, on n'y connaît rien. Commençons pas, on n'y connaît rien. C'est vrai. En tout cas, lundi, bah, le jour où vous écoutez ce podcast là, ouais. Peut-être qu'on aura des nouvelles de non, Blanquer. Oui. Ouais. En fait, je crois que l'incidence que ça a, c'est qu'en hiver, on est plus souvent en intérieur et du coup on l'idée que je en fait ouais. L'été ça tombait parce que bah on était plus en extérieur et que du coup tu t'enfermais moins avec des gens. Putain, après rappelons on n'y connaît rien. Oui, voilà, nous sommes littéralement devenus l'heure des pros. C'est on ça. Dit des choses alors qu'on sait pas. Une société a fait un énorme bad buzz au 1er avril. Est-ce que vous avez vu passer ce que attends, c'était attends. C'est peut-être la bière Corona. Oh là là, Julien Barthès, j'humilie les gens. Ouh. Hey, il parle mal français ou quoi? Hakim, j'humilie. Oh. Très bien. Très bien. Non, un bad buzz, une société. Attends, c'est une société qui a fait un bad buzz. Est-ce que c'est Elon Musk? Non, c'est très français. Est-ce que c'est je vais vous le raconter à l'occasion du 1er avril. Attends. Deliveroo. Aïe. Est-ce que vous vous souvenez? Ah putain, je l'ai eu. Ils ont dit alors, on va respecter le code du travail. Poisson d'avril. Donc Deliveroo horrible. A envoyé une confirmation factice de commande de 38 pizzas pour un montant de 466 €. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde a reçu une note en disant merci pour votre commande de 38 pizzas. Et donc, après c'était marqué non je déconne. Et donc évidemment tout le monde panique totalement, appelle le service client, font opposition dans leur banque. Autant vous dire que la blague n'a pas pris, hein, voilà, puisqu'elle a eu énormément d'impact. Au-delà de la peur, il y a des conséquences de la blague et le sentiment de ne pas avoir bénéficié d'un traitement digne d'un client. La sensation d'avoir été au centre d'une mauvaise blague qui a fait rire tout le monde, sauf les utilisateurs, le dindon de la farce. Bref, les gens étaient très mécontents de ce. À juste titre. De cette idée. À juste titre. Dingue, à juste à titre. Juste titre. À juste titre. Bien sûr. À juste titre. À juste titre. À juste titre. À juste titre. À juste titre. À juste titre. À juste titre. Bien sûr. À juste titre. À juste titre. À juste titre. Ouais, non, mais c'était scandaleux. L'événement caritatif, qui est un peu. Encore une fois, je vous dis les événements. Le Z-Event, qui a ramené plus de 10 millions d'euros. C'est à peu près. C'est énorme. C'est 10 fois un million, je ne peux pas vous dire mieux. Ouais, c'est vrai. Ont été récoltés pour les gamers lors de cette sixième édition. C'est pas pour les gamers, parce que non, c'est pour eux. C'est pour eux. Cela dit, un des meilleurs moments du Z Event, c'était quand Amine dit merde, j'ai mis mon rib, enfin un truc comme ça dans son lien de cagnotte. Oui, son lien, c'était, il a détourné involontairement. Pour moi, les grandes découvertes de ce Z Event, les goats, tout simplement. Amine m'a beaucoup fait rire. On espère avoir d'ailleurs dans le flot. On aimerait. Alors franchement, je pense que 2022, c'est l'année de Twitch pour nous. Il y a plein de streamers. On se rend compte déjà qu'il y en a qui écoutent. C'est assez fou, on a découvert ça récemment. C'est pas si fou. Non, mais moi ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'on plaît à des gens. Tu es sur un piédestal, c'est pour ça. Ah oui, voilà, pour toi t'es le meilleur de toute façon. Je suis pas le meilleur, mais je respecte tout le monde et personne à la fois. J'ai 75 badges. Ah oui, donc voilà. Donc c'était humble. Pour l'association Action contre la faim. Exactement. Un événement qui a aussi fait parler de lui malheureusement. Mais toi après des images un peu sexistes, on va dire. Un peu choquant, t'as vu ce titre. Et alors moi j'ai une question. Et direction nulle. Moi oui, mais j'y connais rien. On soutient Ultia d'ailleurs. Ultia qui est d'ailleurs très cool qu'elle vienne d'ailleurs à l'occasion. On espère qu'ils viendront. La reine Eratus. Voilà. Mais j'ai les rêves. Tu connais toutes les rêves de Twitch. C'est incroyable. Moi j'ai une question parce que j'y connais rien. Ouais. Est-ce que le The Event, je dis n'importe quoi, imaginons demain, on fait un alors pas demain, mais pendant le The Event 2022, on fait un live avec Adrien et on dit voilà, l'argent va au The Event. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou est-ce que c'est alors un truc non, ça tu pouvais le faire avec un autre truc qui s'appelait le Téléthon Gaming, effectivement. Voilà, mais tu parles du Téléthon Gaming de Samuel Etienne. Oui, pardon, ça n'a rien à voir avec toi. Arrête de tout ramener à toi. T'appropries pas les trucs en fait. C'est culturel en fait. C'est fou. Oui, bien sûr. Dude, donc t'es myopathe et t'es lié au. Non, Samuel Etienne est bien mieux que toi en tout point. Ce serait bien que quelqu'un concerné fasse quelque chose. Mais après, bon. Quand tu feras partie d'un FC, tu c'est myopathie dans ta gueule. non, le The Event, non, c'est uniquement sur place et ça le, qui fait tout le sel finalement, ce mélange de streamer et streameuse. Et malheureusement, tu n'as pas de lien de cagnotte. Ouais. Si toi tu es streamer ou streameuse, malheureusement, tu ne pourras pas participer, mais tu peux participer en activant ta communauté, tes réseaux sociaux. Cela dit, tu peux peut-être faire un compte à quelque part, et peut-être une fois à la fin que tu as fait ton truc, tu peux l'envoyer sur le live d'un des streamers du Z Event. Ouais, en tout cas, tu as envie de participer au Z Event. Pas du tout, je trouvais ça assez dommage de ne pas ouvrir à tout le monde, mais parce que je n'y connais rien, et peut-être que ça empêche. Mais c'est ça le Téléthon Gaming, cela dit, j'avais essayé, mais. Allez. Cela dit, vu que déjà, quand tous les gens sont enfermés dans la même pièce, il y a déjà des trucs qu'ils n'arrivent pas trop à contrôler, j'imagine même pas si c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est complètement, c'est très intelligent. Donc, merci. Non, mais je suis un journaliste ciné, donc. Ouais, non, mais pas que. J'ai l'impression que tu journaliste Twitch aussi. Non, tu peux, je touche à tout. Je suis un couteau suisse en fait. Oui, un slasher. L'accent des Suisses. il siffle souvent. Je m'en suis rendu compte quand on est allé à Vevey. Bien sûr. Il siffle énormément à la place des mots. C'est comme les schtroumpfs, mais il siffle à la fin. Est-ce qu'ils ont des petits shorts Des petites bretelles et puis ils font yo la la la yo. Ouais, ils le font. Aussi. C'est vrai. Un peu. Mais surtout siffler maintenant. Très c'est bien. Plus moderne. Plus moderne. Sûr, ouais. Un truc qui revient beaucoup chez les auditeurs aussi, c'est la fin de la tutelle de Britney Spears. Mouvement Britney, pardon. Le 12 novembre 2021, une foule de fans est venue apporter son soutien à la chanteuse devant le tribunal de Los Angeles pour que la juge Brenda Penny, c'est une italienne, Brenda Penny, statue sur la levée de sa tutelle. Et le 12 novembre, donc, la justice a libéré Britney après 13 années de tutelle. Un comptable continuera à superviser la gestion de ses biens, quand même, qui sont estimés à quelques 60 millions de dollars. De tutelle, quand même, un peu. Enfin, ça reste une tutelle, un peu. La chanteuse n'a tout de même. Oui, mais c'est. Alors, c'est un comptable. C'est pas son c'est pas son up, ce qui est déjà. Qui était quand même bien dégueulasse. Si. La chanteuse n'a tout de même pas manqué d'exprimer publiquement sa joie sur les réseaux sociaux, et qu'on faire une interview avec la célèbre Oprah Winfrey pour dénoncer les mauvais traitements de sa famille durant toutes ces années. Vous avez suivi cette histoire, vous, ou pas trop. Un peu de loin. Il y avait quand même ce truc de ses réseaux sociaux qui était quand même où elle appelait, ce mouvement de Free Britney qui disait porte du jaune si tu veux. Ça c'est de la merde pour moi. Mais moi je pense aussi que c'est pas vraiment vrai. Bon, c'est faux. Je crois pas. En fait, moi j'ai du mal à comprendre. enfin son père l'enfermait, enfin j'en sais rien, j'ai pas trop suivi, ouais, ouais. Mais son père vous l'enfermait. Vous avez pas regardé pas. Les docus par exemple, les deux non, docus. Non, mais il paraît qu'ils sont un peu. Moi j'ai pas regardé non plus. Faut avoir le moral, quoi. Non. Ouais. Mais non, mais surtout que c'était un peu exploiter la misère de quelqu'un, ouais, pour faire un docu. Bien sûr. Puis bon, en vrai, c'est pas non plus. Ce qui est le cas de. J'aurais pas regardé. Oui, oui. Hein, ouais. Mais bon. Mais enfin, je sais pas. Elle était pas. Elle était enfermée chez elle ou parce que sinon tu t'as pas besoin de passer par les réseaux sociaux pour aller dire je veux ne plus être sous. Enfin, non, mais le fait qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait vraiment? En gros, le truc c'est que ces réseaux sociaux sont étranges. C'est-à-dire qu'elle fait des toupies, elle laisse des messages qui n'ont pas l'air d'être écrits par elle. C'est parti de là, là-bas, c'est de dire ouais, Adrien aussi pas bien. Fait des toupies. C'est vrai qu'Adrien fait des toupies, mais oui. Adrien est sous tutelle. C'est tous les gens qui font le zozo. Bah alors là, on est tous sous tutelle, mon pote. Non, ouais. Mais voilà, et donc c'est parti de là. Mais ceci dit, l'âme qu'elle est libérée est délivrée d'ailleurs. Délivrée. Voilà. Ouais. Ouais. Elle mentirait. Elle continue à faire un peu des posts Insta où elle fait la toupie où elle danse. Oui, mais donc, voilà, c'est donc, son voilà, univers. Finalement. C'est son petit univers. Moi, je crois. Moi, que... j'ai l'impression. Bon, on est tous ravis si sa vie s'est améliorée. Il y a évidemment mais elle a l'air aucun d'aller débat. Pas bien. Mais non, mais de toute façon, ça ne va pas résoudre tous ses problèmes. Non. Je pense qu'elle elle a été affectée par beaucoup de choses. Enfin, bien sûr. Je pense que son degré de célébrité à son âge, ça doit te facilement te bousiller. Tout à fait. Ça doit être atroce. Oui. Ouais. C'est pas la fin d'un truc. C'est une première étape, je pense. Voilà. Mais à mon avis, contre-attaquer aussi. Mais... Donc c'est une épreuve. C'est Britney en 12 chapitres. Exactement. Et on le voit, on est au chapitre 4. Mais je pense que les réseaux, enfin les gens sur les réseaux sociaux se sont un peu donné excité. Un rôle. Ouais, qui, ouais. En vrai, vous avez rien fait, quoi. Enfin, vous croyez. Non, mais c'est vrai. Et après, bon, bah, voilà. Si jamais les réseaux ont activé un truc, c'est arrivé que ça active. Genre. Tout à fait. Je sais plus quoi. Zemmour. Alors. Oui. J'aurais pas donné cet exemple. Oui. C'est Chalamel, mec. Ouais, ouais. Mais bon, si ça a activé un truc, une prise de conscience qui a donné lieu à la fin du truc, tant mieux. Mais j'avoue que c'est assez flou pour moi, notamment parce que je m'y suis pas du tout intéressé. Mais cela dit, de toute façon, la vie de ces stars et à alors, tel juste, niveau. Je voulais dire, si vous voulez m'envoyer des DM pour m'expliquer, je, non. Je... D'accord. Ah, okay, voilà. C'est bien, c'est dit. Fois, c'est bien, alors, c'est t'as dit ouais. Que t'étais pas au courant, donc je vais t'expliquer. C'est très sympa, mais je suis pas non. Sûr que je l'ai. C'est gentil. Je rejoins ce que tu dis sur le fantasme, sur les gens connus et le. Oui, non seulement on projette beaucoup de choses et on aimerait des fois qu'ils ont des vies folles, alors que je pense qu'elle est juste pas bien du tout et ah que oui, comme bah... tu dis, à un niveau. Moi, je l'ai vu sur scène. Et c'est vrai que ça ne va pas bien du tout. Je vous conseille un très bon épisode de South Park sur Britney Spears, qui est justement où tu te dirais oulala, ils vont la défoncer, machin et tout. Et non, qui est plein de qui est très malin, plein de bienveillance. C'est coécrit par Samuel Etienne. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et diffusé en direct ce soir. Tout. Merci pour ce que la chose qui m'a le plus marqué cette année, c'est le retour de Benzema en équipe de France. Alors c'est vrai que Adrien, son grand truc c'est le cinéma, moi c'est le football. Oui, bien sûr. Ouais. Benzema 6-9 la trique évidemment, la funk et les tacos, tous les buts qu'il a mis. Il a mis plein de buts. Il a mis le but. KB9. Il a mis plein de buts. Il a mis le but. C'est il a ça. Mis le but. Il est Ballon d'Or ou pas du tout? J'ai pas. Pas du tout. C'est Messi pour la sixième fois. C'est Messi, mais non. Joli. Ouais. D'ailleurs, bon, donnez-le à quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, c'est bon, on a compris. Pu, en vrai, là, cette année. Ah, mais si, c'est pas le gars aussi qui est allé au PSG. Bien sûr, ouais, ça, c'est. Parce qu'il y avait les Pantoga Peppers. Oui. Et on a parlé que Pantogas de Messi. Pepper. Oui, Pantogas. C'est vrai, ça. On avait Pantogas Pepper, on a parlé que de Messi. Bah, comme par hasard, ouais. Ouvrez, ouais, hey. Ouvrez les yeux. C'était le rapport du GIEC. C'est le rapport du GIEC. Personne n'en a parlé. Parce qu'il y avait Messi. Sinon, tout le monde aurait vraiment. Là, actuellement, on serait en train de tout lire. Tout le monde aurait lu le rapport du GIEC, mais il y avait Messi, hélas. On aurait fait un podcast spécial rapport du GIEC. Messi. On aurait gaulerie, et à cause de Messi. Le rapport du GIEC, qui d'ailleurs s'est autodétruit au bout de 24 ans, malheureusement, ouais. Si tu à part le jour même. Si tu googlises rapport du GIEC sur Google, il y a Messi qui fait coucou. Qui fait des doigts. Qui fait des doigts. Et qui crache sur le rapport du GIEC, donc c'est incroyable. C'est comme les images terribles de Greta Thunberg qui a dit j'arrête. J'arrête. Parce qu'il y a Messi qui fait le PSG, tu vois. Exactement. C'est vibrant comme témoignage. C'est vrai. Mon père, ça c'est mignon, mon père qui m'a dit je t'aime pour la première fois, j'ai 28 ans. Joli quand même. Ouais. Un peu triste, mais beau. Et en même temps, un peu joli. Ouais. La pub. C'est en revanche toi qui l'as écrit, Florent. Tu as un peu, tu t'es un peu trompé sur ton âge. Je t'aime, mon fils, Florent. Je t'aime. Je t'aime. Il m'a pas dit ça comme ça. Okay. Il m'a dit je te souhaite tout le bonheur du monde. Et voici ce furet. Ce qui m'a marqué cette année, c'est la pub de Nicolas Sarkozy qui lit Le Temps des Tempêtes. Ah, c'est, et vous savez quoi, je ne l'ai jamais vu. Ah ouais, pareil. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ah, mais attendez, c'est une pub YouTube. Ouais. Ouais. J'ai YouTube Premium. Ah, et donc jamais j'ai pas YouTube Premium. Ah. Donc c'est encore la. T'as Adblock, enfoiré, par contre. Non, même pas. Arrête. Non, non, vraiment, j'ai du Zalando. Voilà, pour... non, moi, voilà pourquoi on. Ah. C'est un enfer. Mais je n'ai pas eu Nicolas Sarkozy. Non, j'ai pas eu Sarkozy. Tu vois, c'est les gens encore. Il parle d'un truc, ouais. Bah il existe. Alors j'étais que à une réunion, j'étais à une réunion d'écriture récemment avec Cyprien, parce que j'ai écrit un sketch pour lui, le clash des plateformes, et on discutait sur d'autres sujets de ses vidéos. Et il y avait Julien Josselin qui parlait. Il avait une vanne sur Le Temps des Tempêtes, sur l'omniprésence de cette pub. Et effectivement, ça a été le débat. Bah oui, dire, mais en fait, tout le monde l'a pas vraiment. Ouais. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages à Adrien Méniel en DM sur Insta pour vous dire si vous l'avez reçu ou pas. Ouais. Franchement, c'est important. Get Back, le documentaire sur les Beatles, que j'ai pas vu encore. Apparemment, qui est vachement bien. Quand j'ai c'est adopté 11 mon. 11 heures. Je crois, ouais, mais c'est 4 épisodes. C'est quoi 11 heures. 11 heures. Squid Game, c'est combien? Ouais, j'avoue. Enfin, voilà. Ouais. Quand j'ai adopté mon petit chat qui s'appelle Fiasco. Oh. Ouais, oh. Le truc le plus marquant de l'année pour moi, c'est clairement Inside de Bo Burnham. Voilà. C'est revenu pas mal, hein, Inside de Bo Burnham. J'imagine. Pourquoi? J'imagine. Parce que notre public est blanc en grande majorité. Exactement. Voilà. Mais blanc et triste. Et un peu triste, oui, c'est ça. Toi, tu l'as regardé, Pierre? T'as bien aimé? Bah oui, j'ai regardé plusieurs fois aussi. Ah, tu l'as maté plusieurs fois? Ouais. Ah putain. Alors, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas adoré, j'avoue. Je me suis un peu feillèche. À la fin. Je me suis pas dit je le remettrai un jour dans ma vie, je pense, par contre. Ouais, non, mais après, oui, ce truc là où j'avais envie de le montrer à plein de gens, ces gens là l'ont montré, la nuisance totale. Non, mais non, mais oui, et puis surtout, bah, il y avait un timing aussi. Ouais. Donc c'était quand même bah, le Covid, un peu confinement, un truc comme ça. Cliché de ouf, mais tout m'a touché, et c'est vrai que ça m'a un peu ravagé, enfin, les thématiques abordées. Après, je trouve que dans le précédent Make Happy, tu commençais à avoir un peu le switch du personnage, et du coup, ça fait un peu suite, je trouve, à Make Happy. Et là, je trouve ça brillant, quoi. Ah ouais, moi je trouve ça moins efficace que Make Happy, du coup. Enfin, après le mot efficace est mal choisi parce que c'est pas ce qu'il cherche. C'est une proposition. Mais ça m'a moins touché, mais je pense que c'est aussi très personnel. Moi j'avoue que j'adore quand il y a de la comédie et du drame parce que je trouve que la comédie, quand tu rigoles, nourrit le drame quand il arrive et inversement, quand t'es plongé dans du drame, quand il y a de l'humour, tu rigoles d'autant plus. Là, je trouve qu'il y a eu un parti pris de dire il y aura. Pas vraiment de vannes. Ah, je trouve qu'il y en a pas mal, hein. Même si tu réécoutes l'album. Ouais, mais pas vraiment marrant, je trouve. C'est plutôt un truc d'observation. De... Ouais. Tu vois, typiquement, le truc de Twitch. Ouais. Je suis ok, malin. Mais ça me fait chier, quoi. Enfin, quand il commande sa propre vie, qu'après il commente le commentaire de React. Oui, oui, en fait, malin, mais ça prend 10 minutes. Ouais, et du coup, long, j'en ai un peu plein pas, le cul. Ouais. Donc, j'ai pas accroché. Mais moi, j'aime. Coup, moi. Mais en fait. C'est un peu déjà ce que je t'avais dit sur, je crois, le spectacle précédent. Make Happy, ouais. C'était que moi, j'ai un peu l'impression que Bo Burnham, il dit bon, alors, c'est quoi les sujets qui sont, dont les gens parlent sur Twitter et c'est cool d'en parler. Tellement calibré pour un certain public que moi, je sais pas, j'ai l'impression de voir un truc qui manque tellement de spontanéité que tu sens tu sens ça calculé. En fait, c'est obligé. Enfin, le mec, il fait bon. Après, on est dans de l'autofiction, si on oui, veut, oui, machin, oui. etc. Mais il va sûrement pas bien. Non, mais, si on peut le non, dire, mais... On, il va sûrement pas bien. Mais le côté, enfin, je sais pas. Moi, quand je le vois là, se filmer en train de dire ah, ça va pas, je suis en train de déprimer, machin. Et tu te dis oui, mec. Pendant 20 minutes, t'as installé tes lumières, t'as mis ta cam, t'as fait tes réglages, et puis après tu te mets devant la cam et tu fais oh, je déprime. Il y a un truc de mise en scène de posture, de sa tristesse qui me gêne. Ouais. Enfin, je sais pas. Il y a. En fait, c'est vrai que la frontière est étrange parce que c'est pas non plus un truc construit de toutes pièces, oui, assumé. De lui, voilà, où il dirait, ou ferait genre un film sur le confinement, exactement, ou une chanson. C'est pas comme un mec qui se mettrait à pleurer sur scène et tu dis waouh, le mec il s'est mis à pleurer sur scène parce qu'il a été pris par une émotion. Là, c'est un truc qui est filmé. Ouais. Il est chez lui, il a installé, c'est lui qui installe le matos, machin. Il y a un côté genre attends, je vais allumer la cam et après je vais faire le mec qui est à deux doigts de pleurer. Et je sais pas. Je pense que c'est un très bon acteur et que d'ailleurs tout est. Enfin, tout. Au moment de l'écriture, tout était très sincère, mais je pense qu'il joue tout. Hein, il est brillant, je pense qu'il est brillant, mais. La frontière est trop fine, c'est bizarre. Même ses propos, je trouve que c'est. T'as l'impression qu'il paraphrase ce que disent tout le monde sur Twitter. Ouais. et que lui il le fait en utilisant son talent de musicien en grande partie, ouais. Et, mais qu'au final j'y vois, enfin je sais pas, je trouve ça ça t'a pas touché, ça t'a pas touché. Je trouve que c'est fait pour je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre, est-ce que vous, et du coup ça va vous plaire parce que vous avez l'impression que c'est vous qui le dites pour et que relate. Ça parle de vous, ouais. Comme disent mais moi j'aime bien je sais pas, faire une chanson c'est pas un point de vue quoi, j'aime bien qu'il y ait un point de vue, j'aime bien qu'il y ait je sais pas, que j'aime bien moi qu'un artiste il me dise autre chose que ce que je dirais moi en fait quoi. Et du coup je dis pas que j'ai le talent de Bob Burnham, mais justement je trouve que dans le fond il y a rien de d'extrêmement il y a rien, je me suis dit ah oh, putain le bâtard il a un point de vue de ouf. C'est, je dis les trucs, j'ai pris les trending topics de Twitter et j'ai fait une chanson avec et ça me touche pas moi. Justement sur ce que tu dis là, même lui il verbalise aussi un peu ça. Mais alors c'est marrant, moi c'est ce qui m'a un peu énervé. Ouais. C'est quand il commence en disant oh oui, bah alors voilà, oui, je suis un artiste qui va encore s'épancher. Et c'est vrai que tu dis oui. Bah, t'es pas obligé de le faire du coup. Et c'est ce que tu vas faire pendant une heure quoi. Et du coup, c'est vrai que ce truc est un peu étrange, je trouve. Il y a un truc qui est revenu, c'est le retour du CD. Alors, ça, c'est un truc qu'on a observé il y a quelques mois. De dire c'est marrant, il y a eu l'album d'Orelsan, effectivement. Ah, c'est marrant, tu veux dire. Ah, le c'est même. Marrant, le même. Ouais, même. Ouais, ouais. Le retour du CD, parce qu'Orelsan a sorti des disques où, en gros, sur la quoi, la platine, pas la platine, la rondelle. La rondelle, la galette, ouais, exactement. La rondelle. La gueulette bretonne. Hein. Oh, oh, le beurre, ça les petits drapeaux, là, ils sont partout, les drapeaux. Oh, Yermat. Et Yermat qui fait les mêmes. Yermat 999. Donc ouais, le avec les CD où il y a des trucs dessinés dessus. Voilà. Voilà. Des visuels différents. Des visuels pour différents rondelle. Pour chaque morceau. Chaque morceau. Ouais. Et Squeezie qui a sorti effectivement en single. Time oui, et Ambiance Scandale, dans les Lidl et que tu pouvais acheter sur internet. Est-ce que vous, je sais qu'Angèle aussi a fait un truc de ticket d'or où si tu achètes son CD, tout le monde a fait. Là c'est ticket d'or. Ouais, Orelsan aussi. J'ai vu que Cannes l'avait fait également. Donc NFT d'or. C'est une NFT exactement. Donc il y a un espèce de truc où tu sens que les gens, il y a un retour de l'achat du CD. Est-ce que ça va durer ou retour d'avoir envie de se faire un max de thunes? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah je sais pas, après il y a parce que du coup il y a la crime qui a mis des billets de 500 euros aussi. Genre, ah ouais, les gens se sont dit ah, avec même ce qui se passe, même je vais loin hein. Ouais, mais je revois Logan Paul qui a fait exploser l'ouverture des cartes Pokémon, retour de l'objet, le côté trading card que de NBA que Adrien connaît bien, la NBA, bien. Et ouais, je pense qu'il y a ce truc un peu de collection qui ont poussé ces gens-là à faire ça. Et ouais, les gens ont vu que ah oui, ça vend bien, du coup on fait disque d'or en précommande. Ouais. Et du coup il y a eu une envie. Après pour Squeezie, je pense que ça va dans le côté bah, de c'est la avec thématique le truc en papier, 2000, ouais, ouais, surtout ouais, ce qu'il le dit, il verbalise lui-même single et trucs ouais, comme bah ça sûr, pour bah une sûr, belle action. Mais oui, là ce qui se passe oui, en ce moment, Squeezie, faut rappeler que c'est oui, il ne touche pas d'argent sur ses CD, sur les ventes physiques, les bénéfices vont oui, à, au secours populaire, populaire voilà. Exactement. Donc là c'est peut-être pour faire de l'argent, mais c'est pour une dans la bonne cause, c'est pas pour lui quoi. Voilà, voilà. Oui, non mais retour, non mais j'ai la question que je me pose, effectivement le retour du CD, attends, il y avait pas, oui, il y a beaucoup de cassettes aussi qui se font. Ah ouais, dans d'autres milieux plus hardcore et tout ça. Ah, c'est mais marrant, c'est vrai, il y a un nouveau fétichisme de l'objet. Moi, je pense l'ai, que ça hein, revient. Franchement, je suis sincère, j'adore avoir l'objet physique, c'est un truc que j'aime bien, j'achète des vinyles, des trucs comme ça, alors que le son, je suis pas du tout un esthète qui dit, oh, le son, oh c'est incomparable. Non, ce que j'aime bien, c'est avoir un bel objet chez moi, c'est un motif matérialiste que j'ai. Mais un CD, ça te fait kiffer, toi, non, d'avoir un CD? Non, mais le CD d'Aurel, typiquement, il y avait un truc un peu chouette de pochette surprise. J'aurais jamais précommandé ouais, l'album en disant je veux ce visuel, mais quand j'ai voulu l'acheter pour avoir la petite excitation, exactement comme les cartes Pokémon. Par contre, après, je vais pas en acheter 8 en non, me disant non, je vais avoir 8 sûr, visuels. Non, mais, oui. Mais par contre, j'avais mon petit truc et c'est con, mais moi j'ai Jour Meilleur en visuel et je crois que c'est peut-être ma chanson, si ce n'est en tout cas une des chansons préférées, une de mes chansons préférées de l'album. Donc j'ai eu un kiff ouais, de oh, je suis trop content, j'ai Jour Meilleur en. Donc comme quoi, ça m'a fait un petit truc d'enfant. Voilà. Ouais. Alors que par exemple, les cartes Pokémon, tu en branles. Quoi. Alors j'en ai acheté beaucoup quand j'étais jeune. Mais moi, j'ai quand même un truc. Alors je suis pas expert en. T'es expert. Un peu expert. Les experts, ouais, t'es les experts Miami, mon pote. Ouais. Non, mais en tout ce qui mets est. Mets tes lunettes et il y a un cri. Et tu retires tes lunettes après. Tu les remets, mec. Pollution, énergie, etc. Mais il y a un truc où je peux pas m'empêcher de voir énormément de plastique qu'on va balancer et tout. Là où quand même on écoute majoritairement notre musique sur les plateformes. On stream fort. Ouais, on stream lourd, fort. Hein, alors oui, les serveurs, ça pollue aussi, etc. Arrêtez d'envoyer des mails. Mais Je sais pas. Moi, j'ai déjà, moi, j'ai même pas de quoi lire un CD chez c'est moi. Vrai. Je... Ouais. Bon. Et enfin, je sais pas. Je... Moi, si le CD disparaissait, je m'en branlerais et je me dirais c'est sans doute une bonne chose parce que c'est énormément de plastique pour parce d'accord. Qu'en enfin, c'est même pas un truc que tu vas écouter toute ta vie. Donc il y a un peu à côté. Peut-être arrêtons. Arrêtons avec les scuds. Moi, je vais parler du DVD pour le coup, parce que moi, j'achète énormément de DVD. Il y a toujours cette petite peur quand même, mais qui est encore une fois un truc de fétichiste et qui est pas. J'ai complètement conscience de mes privilèges. Samy de Scooby-Doo. Oui. En ouais. Entre Samy et Yann Barthès. Un mélange de tout. Samy. Non, c'est Scooby-Doo qui dit ça du coup. Non. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, c'était la voix de Scooby-Doo oui, en fait, Scooby-Doo. Je voulais dire. Oui, pardon. Samy. Oula, la Ah non, ouais. Non, j'ai raté. T'as dit quoi? L'a dit Oupines. Ah oui. Marche. Donc j'achète beaucoup de DVD et j'ai un peu ce truc où j'ai plein de mes films qui ne sont dispo sur aucune plateforme de streaming. Ah ça. Oui. Donc les films se perdent et disparaissent. Peut-être que c'est pas si grave, peut-être que machin, mais du coup, je me dis, alors c'est évidemment pas le cas d'un album d'Orelsan qui je pense sera sur des réseaux de streaming et de téléchargement jusqu'à la fin des temps, mais je suis content et j'ai ce truc d'achat de DVD parce que avec la guerre des plateformes et trucs comme ça, je me dis un jour potentiellement il faudra acheter des films très chers sur internet pour les avoir et etc etc. On avait suivi ce truc aussi de Apple où les gens achetaient le film sur Apple TV quoi et ne l'avaient quand même plus. Ils disaient bah non on a perdu les droits. Tu fais, mais je l'ai acheté, je l'ai pas loué. Et bah quand même on a plus les droits, donc t'as plus le film. Donc c'est vrai que bon après j'y connais rien au monde de la musique donc ça marche absolument pas pareil. Mais j'entends aussi quand même cet argument de dire on sait pas de quoi l'avenir sera fait, sûr, machin, et du coup mais... c'est cool d'avoir des trucs un peu. Mais après, je suis d'accord que ça pollue énormément et qu'en plus on a retrouvé quand même des tortues avec des CD d'Angèle dans le nez. c'était quand même avec un ticket d'or en plus. Mais, ouais. Donc cette tortue pour aller au concert toute sa vie quoi. C'est ça qui est. Attends, c'est à vie ou c'est pendant. Il y en a. Parce qu'il y en a qui vie. Kian, c'est à vie aussi. Mais Angèle, c'est pas genre pendant 10 ans. Ce qui serait terrible pour elle, la pauvre. Non, mais je crois. Non, il me semble qu'elle, c'est pas à vie parce que bah elle est quand même beaucoup plus jeune que. Enfin, c'est pas. Non, mais je veux dire, elle est beaucoup plus jeune que Aurèle par exemple. Et du coup, ça représente pas le même nombre de concerts quoi. Et je crois que Angèle, c'est pas vie, mais je vais. Les Jeux Olympiques et Macron qui engueule les sportifs. C'est vrai que ça c'était assez fou. Alors attendez, Macron qui a dit qu'il adorait Orelsan. Oui, en particulier l'odeur de l'essence. Oui. Oh, n'importe quoi. Il a dit c'est quand même quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. T'essaies de gratter des votes, espèce de chiasse. Il dit vraiment un moment en plus, genre, ils essaient de t'avoir et te. Enfin, il parle clairement de toi. Hein. Oui, mais c'est ça. En fait, cette chanson, c'est un miroir. C'est tu un miroir. Tu regardes Macron. Hey, en t'aimes fait. Le miroir, t'aimes dans le miroir. Une flaque d'essence, regarde-toi dans la flaque d'essence. On va brûler mon pote. On n'aime pas Macron ici, finalement. Ah, ici, alors là, Darmanin, gros Macron, nul. Eh, hey, oui. Essaie d'attraper les Dalton. T'y arrives pas parce que t'es nul. Allez. Bien envoyé ça, mon flub. Bah, je t'inquiète pas. Quelqu'un dit la fois où j'ai baisé début février. Putain, gros bisous tienne. Mon frérot. Gros bisous mon frérot. La chance. Le dernier album de Turnstile. Ah. Tiens, là par les fans de métal. Ah, attendez, c'est encore. Ah. Pardon, je reviens sur Angèle. Reviens. Le ticket d'or, c'est ils pourront accéder aux dates qu'ils souhaitent sur sa tournée à venir seulement. Ah, c'est genre une tournée. Donc là, typiquement, la tortue. Hélas. La tortue fait. Bon. Je préfère mourir. Oh pardon, une tortue est suisse. Oh c'est vrai ça. Oh là là. Oh oui bah oui. Je fais et de enfin, la tyrolienne. Un truc qui ouais, a quand même. Style trop bien. Attends, style vachement bien, un très bon j'ai album. Jamais écouté moi. J'ai jamais. Mais c'est écouté. Un peu l'album qui, j'ai l'impression qu'il ramène un peu le métal sur le devant. Enfin le métal en de là, cette époque là. Pas c'est métal. Le son du métal. Néo-métal un peu. Du tout. C'est pas ça? Ouais, peut-être. Non, non mais ça, j'y connais rien. Le moi, côté, j'ai aucun. En fait, ce que tu projettes, c'est le côté un électro, peu quoi. Fusion oui. De plein de genres. C'est vrai que même ils sont allés dans l'électro. Il y a eu un tu album m'étonnes. De remix. Mais jamais non, mais Turnstile qui ont fait un EP incroyable, Love Connection, avec un clip servi. Et c'est devenu des méga stars. Bah ouais. Et qui sont en tournée maintenant partout, qui font des stades. Et on va les voir en février, le 15 février. Et ça va être de la folie. Et je vous conseille de voir. Ed 5-6 qui est non si vraiment regarde FI6 qui enregistre plein de lives de hardcore. D'accord. Sur YouTube, sur toutes les plateformes, qui est un gars tout seul, il y a un Patreon, je sais pas comment il fait. Et il a fait la release party de Glow On, donc, qui est l'album de Turnstile, et je vous invite à regarder le show de Baltimore, et c'est incroyable. Trop bien. Est-ce que t'as acheté le merch de Bob Burnham? Non. Ok. Il a fait du merch? Il a fait du merch, ouais. Que je trouve assez laid. Bah ouais, j'ai un truc, mais je me suis dit. En vrai, il y a un côté où il y a. Je sais. Ce truc de connard où genre ça y est, il y a trop de monde qui aime et donc du coup et bien sûr voilà, évidemment j'ai le cœur noir comme l'essence totale, mon pote, comme l'odeur qui m'a l'odeur de l'essence. Elle a une odeur, elle a cette essence. Non mais un peu bâclé, enfin pourquoi je reviens là-dessus. Putain, là ça travaille là. Non mais parce que Robert Brûle-Jambon, je te nique la gueule. Brûle-Jambon, Bob Burnham. Bah, je pense que c'est assez connu. Non, non, c'est pas assez assez connu. Mais ah ouais, Brûle-Jambon. Bah, je l'ai jamais Robert Brûle-Jambon. Non, mais en plus, je suis triste, je suis Robert Brûle-Jambon. Non, mais en plus, j'ai l'air de détester Bob Burnham alors que non, t'as j'aime dit beaucoup. Non, t'inquiète, les gens. Et j'ai pas détesté. Tu es cancel, vraiment, Adrien. J'essaie pas de te rattraper, c'est fini. Alors, si on peut même plus avoir les mêmes goûts. Que le woke qui se tend. Je sais pas, je tente des trucs. J'essaie de faire gagner du temps parce que je peux t'agiter. Non, pas c'est du bon, tout, ça. Pas du tout. Un des moments aussi de la pop culture qui a un peu marqué l'année. Un mème peut-être. Non. Ah non. Une séparation. Daft Punk. Les Daft Punk, le 22 février. Non mais attends, moi je suis en train de process 2020, on va arriver en 2022, donc là, c'est un mème. Me when I process année 2022. Et oui, et donc. Je repense que j'ai vu un mème où c'était juste quelqu'un qui disait now watch Christmas being in a week. Tu vois, genre, ouais. Bon là, c'est, on sait même pas. C'est vraiment, oui, bah, ça va être dans une semaine. Oui, voilà, c'est pas vrai. Dingue, oui. À bout d'un moment, on va arriver et Noël sera dans une semaine. C'est pas du tout dingue. Mais les décos là, de plus en plus tôt. Hein. Enfin, ça, je me permets de dire. J'ai une petite anecdote. Oui, il faut savoir que. Alors il faut savoir que c'est quoi trop mignon Baby Yoda pour non mais je l'ai vu et du coup j'ai dit trop mignon. Il faut savoir que il est devant moi vraiment. Oh là il là. Est devant moi à l'approche sorti ma bite, hein. À l'approche des fêtes de Noël, beaucoup de gens recherchent Maria Carré. elle a été décongelée, je crois, il me semble. Oui, non, j'ai rien compris, c'est ça. J'ai pas la ref. J'étais bien, t'es très juste bien. On parlait de Baby Yoda. Oui. Je me suis dit que si j'étais youtubeuse et que si vous êtes youtubeuse et que vous appelez Lauriane, appelez votre chaîne Le Monde à Lauriane. Oh. J'y ai pensé ce matin sous la douche. Le Monde à Lauriane. Steve Jobs est dans son garage. Adrien, c'est sous la douche, putain. Le Monde à Lauriane. Ouais, ouais. Donc les Daft Punk sont censés. Est-ce que là vous êtes fan de Daft Punk ou vous écoutez Daft Punk? Tout le monde. Une réponse, une voix. Et moi j'avais la carte du fan club. Le ticket d'or. Ah ouais. Ouais. T'étais parti du fan mais club. Mais non mais pour c'était quoi? Des Daft. Hein, Discovery. Les Daft. Ouais, les Daft. Ouais. Les Daft. Ouais. Guiman et Thomas. Et Tom. Et Tom. Tom Bang. Tom et Guiman. Tom et Guigui. C'était leur premier nom. J'aimerais qu'ils reviennent sous ce nom. Tom et Guigui. Non, Tom et Guiman. Ah, Tom et Guiman. On a splitté, mais on revient. Bonjour. Sous le nom de Tom. On enlève et les masques, juste, enfin les casques. On est Tom et Guiman. On a des marionnettes maintenant. Mais non, dans Discovery, t'avais une carte de membre de fan club et je l'avais, voilà. Ah ouais. C'est juste, t'achètes l'album et tu l'as. Ouais. C'est livret. Avant le NFT, c'est, Adrien. C'est un livret, ça s'appelle un livret. Non, mais j'étais fier d'avoir ça. Et non, mais Daft Punk, moi, dans ma construction des clips. Non mais ça, c'est pardon, ça me fait rire. Mais il se marre. Non, mais tout le monde l'avait du coup. Tous les gens qu'on l'a acheté le CD. Il y avait un truc, je sais plus. Il y avait un côté genre. C'est juste que j'étais fier de l'avoir. Voilà. J'étais un enfant, Adrien, ok. Un enfant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, on parlait de trucs genre si t'as le ticket oui, d'or, bon, t'as, il a autant de respect pour toi qu'il en a pour Bob dans les yeux d'un enfant. Mais je dis pas que, mais c'est pas contre toi. Je compare juste l'initiative de d'un côté. Si t'as le ticket d'or, qui est rare, t'as accès à vie à mes concerts. Ou l'autre, si t'achètes le CD, dans tous les CD, il y a une carte. Bah, ok. Bon, peut-être il y avait un twist. Ok. À Saint-Tropez. Non, pour le coup, non. Dans le désert, il explose. C'est vrai qu'il y a Electroma, il explose. Mais non, mais dans les clips m'ont traumatisé quand j'étais enfant. Ça m'a la tête bercé. De chien. Tête de chien, bien sûr, Spike Jonze, la sauce tomate. Ouais. Enfin, c'était une pierre angulaire incroyable. Je viens flipper. Alors ça va te faire plaisir du coup. Ok. Car j'ai l'honneur de vous dire. La Reformation que... là, pour le Floodcast, what the fuck en fait, on a un invité surprise. Mais Thomas Mangalter. Je vous ai pas dit. Tom Tom. Alors c'est, tu l'appelles peut-être Thomas Mangalter, mais c'est Daft Punk qui est avec nous. Mais non. Daft Punk, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Salut, c'est Daft Punk. C'est l'émotion. Les poils. Alors, c'est fou, mec. Monsieur Daft Punk. Baisse bien le potard jusqu'en bas, peut-être, oui. Daft Punk. Bien sûr, non, non, mais alors, monsieur Daft Punk. Monsieur Daft. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Rien, ça fait super plaisir. Wow. C'est, bon, Adrien, Pierre, n'hésitez pas à reprendre l'interview. Hein, ah non, mais bien sûr, mais là, je suis à E-Live 2017. Là. Voilà. Je, non, suis starstruck, je suis starstruck en fait. Ben non, mais parce que c'est vrai qu'il a, il a accepté Daft Punk. Daft Punk. Aucune interview. Ah ouais. Et il a accepté bah, pour cette fin d'année pour venir devenir au Floodcast. Du coup, vous n'avez pas explosé, du coup, Daft Punk. Non, ça va, je n'ai pas explosé, je suis Daft Punk. Mais DJ. Ah, vous êtes... est-ce que... D'accord, c'est deux, vous êtes deux. Mais je suis tout seul. Ok. Okay. Donc... Ah, c'est lui. C'est ah lui. Oui, c'est lui. C'est vraiment lui. Et du coup, finalement... Ah oui, c'est, bah, c'est ça. Je vois, j'ai les images de... Ah oui. Ah, aérodynamique. Ah, ouais. C'est toi, Daft Punk. Ok. Mais du coup, en fait, quelque part, vous avez explosé et vous êtes réunis dans un même corps. C'est moi. Ok, d'accord. Est-ce que vous allez faire du NFT? Oui. Ok. C'est bien. Alors, intégré dans la blockchain, monsieur, le mec. Monsieur Daft Punk n'est pas venu gratos. Ah ouais. Il comment est venu ça, gratos. Oh, les Ethereum. Non. Il n'est pas venu les mains vides. Il n'est pas venu les mains vides. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire, Daft Punk? Par blind test, quand même. Bien sûr. Je suis venu faire un petit jeu avec Pierre. Oh, génial, trop cool. Alors, il va. J'adore les jeux, Daft Punk. Le règle du jeu. La prononciation, je suis pas fan, mais les jeux, en revanche. Les règles du jeu est très simple. Est-ce que vous vous souvenez de Oui Jacques Chirac? C'était un jeu qu'on avait fait avec Mehdi Maizi, où Jacques Chirac était venu pour faire pour nous faire deviner des choses qui avec un jeu de mots qui marche avec Jacques Chirac. Ouais. Voilà, okay. Par exemple, le voyage de Chirac, voilà. Un manga. Ah, voilà. Le mangas. Ouais. Et bien là, ça va être des jeux de mots qui marchent avec Daft Punk. Ok. Okay. Très bien, c'est, j'aime ça. C'est de niche. C'est calibré en tout cas. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt, Daft Punk? Carrément, je suis prêt. Oh la vache. C'est parti. Oh les poils. Je suis un musée super. Ah, punk. Oui. Une fois au vol, un flamme. Aft punk. Oui, voilà. Bucal. Et j'adorais si tu suis dégrillé. Ah ouais. Absolument. C'est vrai ça. Parfois des noix. Daft Punk et Aft Punk, pardon, exactement. Aft Punk, très bien. Un point pour Adrien, on compte pas les points. Hein. Ça fait pas ça avec l'ananas un peu ici. Je crois que ça fait ça également avec l'ananas. Je saignais de la bouche. Comment? Quand j'étais petit, je saignais de la bouche quand je mangeais de l'ananas. Donc, très sensible. Mais il faut savoir aussi que les. Bah, alors justement, on y revient parce que c'est très psychosomatique aussi les aftes. C'est-à-dire que si t'es stressé, etc., tu peux avoir des aftes. Ah bah bon, c'est il faut savoir que c'est très psychosomatique. Et souvent on dit j'ai un aft, les gens disent faut te laver les dents. Et bah ça, putain, je crois que j'ai dit exactement ça dans un Floodcast mais il y a 4 ans. Mais je sais qu'on s'en fout, mais arrêtez de me dire on s'en fout à chaque fois que je dis ça. J'en peux plus que quand je dis je l'ai dit dans un Floodcast, on me dit c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave, je le fais remarquer, putain. Je crois que je l'ai dit vraiment littéralement. Et donc les aftes, c'est très psychosomatique. Voilà, il faut savoir. Je suis journaliste. Je suis le gars de Dans ton corps. Je vais rire, Daft. ne me pointez pas du doigt. Qui tombe au sol. Ne me pointez pas du doigt, Daft. Shaft Punk. Oh oui. Je suis solitaire et très violent. Quel régal. Y'a même un remake avec Samuel L. Jackson. C'est Shaft Punk. Musique de Isaac Hayes. Ouais, ouais, ouais. Merci Daft Punk. Parfait. Ouais. Oui, Daft. C'est parti. Ah, vraiment qu'une seule chanson. Ouais. Ouais, c'est le podcast. Ok, Daft. Un film chanté de 91. Réalisé par Ron Howard. Avec Baldwin, De Niro, Pierre Trussol. Backdraft Punk. Backdraft Punk. Une petite qui déploie ses pompiers en galère. Bravo Adrien. Bravo. Bravo Adrien. Je t'applaudis avec mes bras de robot. Cling, cling, cling. Ça marche pas trop. Bravo. On dirait deux canettes entrechoquées, mais. Oh. Merci Daft Punk. Merci Daft. Je suis l'huile du coup pour un robot. Attention, les arrivants. Ok. Actrice, chanteuse sous le soleil. J'ai fait la ferme célébrité. Mallory Nataf Punk. Hélas, Oui, Daft Punk. Vincent Lagaffe. La zou, zou, zou, zou, bida. Zou, bida. Il est beau le Burnham d'ailleurs. Oui, bien sûr. Merci. C'est très bon public. Merci Daft. Bah c'était un plaisir, mais j'avais plein d'autres en tête. Pâté Naft Punk. Ah oui. Très bon public ce Daft. Je prie pour que ça reste. Bah Florent, merci. Reviens. Ah, bah oui, bah putain, t'étais où mec? Bah non, mais je suis là. Merci Daft Punk. Merci à vous. Bah, au revoir, non, vraiment merci à vous. Merci vraiment à vous. Ah ouais, mais tu t'en vas du coup? Il repart dans son vaisseau spatial là. N'explosez pas. Les amis, c'est la fin de ce floodcast. Oh, alors, putain. Ah ouais. Non, attendez. Bah attendez. On a même pas fait les mêmes. C'est un feu d'artifice. Ouais, c'est vrai. Pardon. Ah oui. Là les mêmes, bah il y a des mêmes qui vous ont marqué cette année? Bah Evil tout quoi. Evil, ouais. Evil, pardon. C'est quoi? Bah, ah oui, le truc en négatif. Ouais, genre, c'est l'inverse. La blague, c'est que c'est l'inverse. Genre, je vais faire. Je vous avais deviné le evil, ok. Ah oui, okay, hop, ouais. Bon jeu. Ok. Est-ce que tu veux la voix de Daft Punk? Non, ça non. Ok, d'accord, non, mais je demande. Euh. je déteste Jane Bob. Flaubert. Evil Flaubert. Evil Flaubert. Evil Flaubert, bien sûr. Ah, ouais. Parce que t'adores. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est l'inverse, non. Le même en fait. La blague est drôle, ouais. De dire l'inverse. C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est top. Voilà. C'est le seul même que vous aviez. Bah, moi, vraiment, les mêmes, je m'en branle. Donc, quoi? Pardon? Eh oui, grosse news. Wow! Grosse news. Oh la vache. Mais peut-être, vous, chacun de votre côté, c'est quoi? Il y a eu un truc dans vos vies, un événement qui vous a marqué en cette année 2021? Si vous deviez garder un souvenir, là, comme ça, de 2021, Adrien. Oui, Florent. Il y a un événement. Ah, tu veux dire de mondial ou... Non, un non, truc. Dans ta vie, je crois. Oui. Pardon, putain. Mais non, alors écoute, oui, bon. Moi, c'est peut-être la pire année de ma vie d'adulte. Tout simplement. Mais à tout moment, je peux mettre un peu de soleil. Je garde la pêche. Pierre, toi, quelque chose? J'ai passé un bon moment à branler dans un pot cette année. Ah, j'en mets. Les spermogrammes. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, j'ai passé des très bons moments. Non mais après si je dis que ça, bon c'est vrai que c'était une, il y a eu des trucs un peu ouf, nuls, mais oui. J'ai fait des tournages trop bien. J'ai tourné dans Visitors de Simon Astier, j'ai tourné dans Derby Girl, j'ai tourné dans Hors de Lui. J'ai l'impression que t'as en termes de multitude de projets, c'est une des années où t'as le plus tourné, j'ai l'impression. Enfin, où t'as fait le plus de projets, en tout cas. En tant qu'acteur, je parle. Oui, alors après, ça, vraiment, ça a été concentré sur quelques mois. Oui, non, mais je sais que, par exemple, le groom, mais... forcément, voilà. Mais, oui, voilà, mais, non, mais disons qu'en termes... Bah, artistiquement, c'était super. Après, professionnellement, en termes de gagner sa vie, c'est pas forcément... Okay. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de projets, mais ça représente très peu de temps, etc. Mais c'est bien de le dire aux gens, ça, aussi. Bah, parce qu'ils se rendent pas compte. Quand t'es acteur... c'est peu de temps dans ta vie, en vrai, un tournage, ouais. Max, même si t'es premier rôle, c'est 30 jours. Mmh. Max, voilà. Si t'es flic et que t'es Tarek Boudali. C'est ça. Donc, ou c'est alors, vous dire. Tu es ami avec Dingo. Enfin, Dingo est ton Max. Père, ou je sais plus. Ouais. C'est. Oui. Bref. Oui. Bref. Max est son fils. Enfin, ou si tu es une menace, à la limite. Oui. Ouais, ouais, voilà. Mais ou un Maxi monstre, mais. Mais ou un mammouth, d'ailleurs, la bonne auberge en live. C'est le 12 vrai, décembre. Bien sûr, Max Mammouth. 12 décembre. Bien et sûr. Non mais oui, non mais en tout cas des projets trop cool. J'ai fait la post-synchro là de Visitors, donc j'ai pu me voir un aperçu des scènes qu'on a tournées. Et c'est vraiment très marrant. J'ai hâte trop de bien. Voir tout ça et voilà. Non, il y a eu des trucs cool. Et pour le Floodcast aussi en vrai. Et puis le Floodcast. Bah oui, il y a une assez belle année pour le Floodcast. Les deux, le Floodcast raconte et le Floodcast en live du Frames qui sont trop bien passés. Le Bataclan, c'était 2020, pas du tout 2021. Pas du tout. Je suis fou. Comme un arracheur de dents. Je suis un menteur. Mais non, oui, voilà. Le merch, on a repris un petit rythme et tout, donc ça c'était cool. Bravo. C'était cool. Là, on a reçu quand même beaucoup de Spotify Wrapped machin et on s'est envoyé un texto avec Adrien pour se dire qu'on était surpris. Franchement, c'est pas de la fausse modestie, vous savez qu'on se la joue, on adore ça. Oui. Mais franchement, je ne pensais pas en vrai. On a des chiffres, mais ça veut rien dire un peu. Et là, de voir plein de gens qui montent leur truc et tout avec plein de minutes, ça a fait quand même plaisir. Moi, je le dis. Chaud au cœur. Au risque de paraître un peu naïf, je le dis, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'on était autant présent dans la vie de plein de gens et c'était très cool à voir. Tout à fait. Donc voilà. Par contre, les gens qui postent un screenshot où on est deuxième, bah. Quel est votre problème en fait? Non, non, mais souvent mais ils mettent top 5 et ils notent aussi, ils mettent. Ouais, ceux non, qui... mais genre. Vous nous taguez quand on est deuxième? Vous croyez que ça nous. On est. Genre, deux, c'est bien peut-être? Ça va jusqu'à 5, mais des fois on est cinquième. Hein. Ouais, bah, du coup, encore en pire. Fait, c'est si c'est pas un, c'est de l'humiliation publique en fait. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, la seule façon de vous racheter à nos yeux, c'est d'acheter du merch sur Trafic. PHIC. Il reste plus que deux jours. Il reste plus que deux jours, donc dépêchez-vous et ça arrivera avant les fêtes de Noël. Voire un jour parce qu'on n'est pas très fort en calcul mental. Ouais, on est vraiment très nul. Précipitez-vous. Voilà, donc bon, bah voilà. Toi, Pierrot Lastico. Mais il a dit, il a s'est branlé dans un truc. Oui, mais c'est peut-être pas le meilleur moment de ton année. C'est enfin, moi, c'est un des meilleurs. Moi, c'est branlé. C'est un des meilleurs moments de mon année, mais peut-être pas là, dans ce contexte-là. Non, non, c'était. Bah après, je me suis branlé plusieurs fois, mais c'était. Chouette. Cette expérience de vie, tu vois, finalement. On s'est high-fivé. On n'a pas respecté les gestes barrières. Oh, non. Popo. Non, mais ouais, une année chargée. J'ai dû tuer mon chat sur ma table. Ouais. C'était top, un bel ça. Événement. T'as tué ton chat? Mais non, mais on a tu l'as piqué, genre? On l'a piqué devant, c'était horrible. Devant moi, elle a disparu. Ah, oui, t'es allé voir une vétérinaire quand même. Non, le vétérinaire est venu chez nous. Et on a piqué le chat sur notre table de salon. Ah, oui, mais c'est elle qui. C'est le vétérinaire qui l'a fait, quand oui, même. Mais on a pris la décision. Elle a dit, je crois que le vétérinaire a dit, allez, c'est à vous. Quoi? Bah ouais. Allez. c'est, vous c'est monsieur, là. 20 euros de moins, hein. C'est 20 euros de moins. J'ai dû tuer mon chat sur ma table. Oui, tu, oui, t'as tomé le mais fait je ne savais pas que tu pouvais le tuer, par contre, à domicile. Et oui, c'est fou. Il y a Star à domicile et meurtre à domicile. Et Nazi à domicile. Ouais, c'est moins festif quand même. C'est une espèce de. La petite. C'était. Popiette. J'espère qu'ils vont peut-être mélanger les deux émissions. Euthanasie à domicile, mais par une star. T'as Michou. Écoutez, qui moi, vient. Moi, je rêve d'être euthanasié par Bilal Hassani. C'est, eh ben, c'est possible. Bon, aucun problème. Et Kenji Girac. C'est un concept. Très bon concept. Mais on ramène, c'était Flavie Flamand. Je sais plus. C'était pas Castaldi. Bon, je sais plus. Bref. Ouais, alors oui. Alors c'est la fin d'un cycle avec Popiette. Mais qui doit bien se marrer là-haut. Avec Grosminet et Tom. Mais l'arrivée d'un nouveau petit être. Rôti, c'est là. Alors la comment fin s'appelle-t-il? Rôti. Rôti, trop mignon. Rôti le sang, rôti. Voilà, qui m'accompagne. Qui un petit chat. Il a l'air très mignon et beaucoup plus sympa que. Moins violent. Désolé, ouais. C'est vrai qu'il faut pas dire du mal des morts. Ouais, ouais. Après, ouais. Je le fais régulièrement avec mes propres parents. Non, oui. Je peux peut-être me le permettre de le faire sur un chat qui est même pas le mien et qui, objectivement, avait vraiment un sale caractère. On a rien dit. Non, mais on va me cancel. On peut plus rien rire. On peut plus rien rire. Mais non, mais il a l'air plus mignon, quoi. Oui, non, bah là il est un peu peu. T'es en train de non, le là, fou, là, tu l'excites la petite, là. La petite story où il joue là. Oh, où mais il saute partout là. Mais c'est ça mignon. Un chat, putain. Ouais. Allez, y a pas que le pass sanitaire. On va pas s'empêcher de vivre, putain. Il nous saute sur les lits, quoi. Merde. On danse sur les tables, on engueule les flicaillons, on baise. Mais baisons. Et gosses. En fait, si on peut vous dire un truc en 2022, mais baiser, baiser, en bonne foi pour toutes. Droguez-vous à la vie. On est français ou fait. Pas ah, merde. Soufflard, là. Allez, vous hésitez entre 1 et 2, prenez-en 3. Wow, ah, ce sera toujours pas perdu. Ouais. Mangeons le lendemain. Des chips, ça va être. Ayez la chiasse. Ayez la chiasse, noyez-vous dans votre merde. C'est ça la vie, bordel. C'est ça, embrassez-vous, bordel. Dans votre France, remettez le lendemain. Putain, c'est la vie. Branlez-vous dans la rue, dans des pots d'échappement de bagnole. Oui, ça oui. Dans la rue, non. Attention quand même. Oui, oui, non. Dans les pots d'échappement, c'est ok. Bon, on peut, ouais. C'est ok. Patting, shaming. Voilà, non, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais, une belle année. Non, des chats. Non, mais cela dit, ça doit être. Enfin, moi, je. Mais ça m'a réconcilié parce avec que moi. La mort. Bah non, mais de la vision que je me faisais. C'était effectivement assez paisible. Oui, j'imagine. Assez oui. Doux. Oui. Et après, comme Léa, c'est doux. Oui, c'est doux. Ouais, oui. Ouais. Et non, elle est partie comme un Deliveroo dans un alors petit ça, sac. C'est horrible. alors, ça, vrai, ouais, ça, c'est les vétérinaires, un effort. Je vous propose de faire un effort. Moi, je suis rentré chez moi où il y avait aussi un chat mort. Alors, pas Chelsos, sauce, hein, qui se porte du feu de Dieu. Mais elle avait un petit frère qui s'appelait. Un grand frère? Disons un frère. Pascal. Ouais. Oui, un frérot. On lui envoie de la force. Qui on stream fort. On stream fort le qui s'appelait Whisky. Ah. Et j'ai pas choisi les blazes. Hein. C'était Whisky, le chat. Oui. C'était le chat de la coloc de ma meuf. Et un jour, on rentre et le chat est red mort. Dead, le man. Dead. Ouais. Et un peu sous le choc, mais on appelle un véto pour venir le chercher. Parce que comment t'enterres un chat à Paris? Moi, j'ai je suis un gars de la campagne. On creusait un trou dans le jardin. Dans le jardin, tu fous la bestiole, tu refous la terre. On va pas se faire chier. Hein. Donc, au compost, peut-être. Voilà. À Paris. Oui. Avec ton nombril composteur. Ouais, non, mais donc là, on savait pas. Donc on appelle un véto. Et effectivement. En plus, c'était tard, c'était une heure du mat. Ah oui. Quoi. Bah oui, parce qu'on rentre chez nous. En fait, tu rentres chez toi, il y a un chat, tu te dis pas. Je le fous à la poubelle et demain je le jette. Enfin, je procrastine. Si on verra ça demain, bon bref. Flemme. Ouais. Donc non, le gars le prend et effectivement il a un gros cartable un peu comme Deliveroo et il l'a mis effectivement dans un petit sac plastique et dans un cartable et il est parti comme il est venu effectivement. On lui a quand même laissé 10% de pourboire parce qu'on est quand même proche. Oui, sur l'appli. C'est ça, sur l'appli 5 étoiles. On lui a mis un petit sourire, voilà. Il s'est arrivé, on avait mis le priorité à 1,99€ pour qu'il arrive un peu plus vite. Bien sûr. Mais effectivement, il est parti avec son gros cartable Deliveroo quoi. Et je me suis dit, ça se trouve, dans son cartable, il a 5 ou 6 chats morts. Bien sûr. Et en plus, qu'est-ce qui l'empêche de dire, bah, c'est la crémation. Oui. Parce qu'il te donne pas le truc. En gros, tu payes plus cher pour avoir le petit vase avec les cendres. Non. Ça, moi, je trouve ça un peu glauque. Oui. Mais après, s'ils incinèrent le mauvais chat, tu peux te faire rembourser. Ouais, avec ça, c'est cool. Ça, mais c'est faut cool. La photo. Faut la photo. Et ça, bon. Les gens n'y pensent pas toujours. Et donc oui, toi aussi, t'as eu le gros cartable du coup. Bah ouais, une petite un doggy bag de chat Cathy qui est bag, parti. Cathy bag, effectivement, Cathy bag Guetta. Je joue au jeu du Johnny Depp. Je suis un fou. Cathy Bagheta Jones. Voilà, exactement. J'ai envie de trouver autre chose. Non, vous n'en mettez pas. Non, mais voilà, c'était une expérience et du coup, ça m'a un peu réconcilié avec ça. C'est vrai que c'était très doux. Popiette est partie d'un vilain cancer. Elle avait 13 ans, c'est pas si vieux. C'est vieux quand même. Ma chatte. Non, mais je veux dire, bon. Oui, elle a vécu quoi. Ça va. Parce que moi, j'ai perdu une chatte à 21 ans quand même. Qui avait 21 ans? Ouais. Ah, la vache, ah oui. C'est quand même un. Enfin, ah, le chat, je veux dire. Parce que la vache, c'est un autre. Oui, le goût, le chat. Bien sûr. 21 ans. Et là, 13 ans. Ouais, ah mais ouais, voilà. Non, mais donc, elle m'a adopté dans son petit cœur, Popiette, bon, et on pensait à elle. Mais ouais, non, ce fut un événement. Elle a vu un quand même les deux vous étoiles. Vous l'avez remplacé bien vite, quand même. Oui, oui. Non. Par un nom de bouffe aussi. Enfin, voilà. Comme dirait PNL, on t'oublie pas, on te remplace. Voilà. Pas mal. Voilà. Mais non, mais c'est fut une expérience horrible. Horrible. Horrible. Donc en fait quand tu remplaces souvent bah, c'est t'as pris la place de quelque chose donc t'as oublié le truc d'avant enfin bon bref mais ça ouais, reste PNL. C'est pour dire qu'on s'arrête pas de vivre oh mais parce qu'on monte sur les tables et on se fout à poil et on engueule les flicaillons et là la maréchaussée je vous prends et je vous baise pissez dans du vin buvez-le mettez des coups de couteau dans les sofas dans les canapés on en a rien à foutre putain. Cassez vos télés putain vos smartphones qui vous aspirent l'âme lisez des livres brûlez non pas brûler les livres ouais non mais voilà belle année du coup pour moi alors ça va t'as buté un chat et t'en as un nouveau quoi ouais non et puis après non j'ai fait des petits projets quoi attends Laserdisc aussi Laserdisc ouais, bah ouais sur Arte, fin de saison là ouais vendredi prochain putain dernier épisode tout sera permis Ponce. Ou pas du tout non Ponce, malheureusement bien, ouais. Avec et Dimé le rappeur trop et bien. Après on croise les doigts pour une saison 2 vous savez pas encore voilà ok parce que tu m'as pas invité encore donc ouais on a invité quand non, parce qu'on trouve les bons matchs mon pote c'est bien sûr que t'es dans la shortlist bah Adrien il connaît tous les musiciens de la terre donc pour le coup tu peux c'est l'inviter vrai ça. Pour quand bah tu je veux. Pourrais inviter Daft Punk au pire bah alors demandons lui Daft Punk est-ce que tu voudrais venir dans Laserdisc bah ça me touche ouais, okay, ça match, ça match. Et puis ouais rentrée de 301 vues bah, ce soir ah ouais voilà. Ah voilà sur donc ce alors, soir au moment où sort le cet épisode c'est toujours sur twitch.tv bah toujours parce que c'est toujours. Le site de diffusion ce que je parle mais peut-être après, pas parce que slash. J'avais vu Cyprien en privé qui m'avait dit qu'il ne savait pas s'il gardait ah, sur Twitch pardon. Que potentiellement excuse-moi. Ça devenait un podcast non bah non, au final ça reste non. En live après j'ai ça très peu podcast, sur oui ça restera un podcast moi, et donc du coup bah lundi 20h30 et là ce soir on reçoit Mister V oh trop bien, oh, et très bien. Freddy Gladieux donc c'est le retour nouvelle c'est saison le retour, c'est le retour. Et voilà, donc oui, dans des beaux projets, Arte Concert qui me fait encore confiance, c'était une belle année, peut-être imposable en 2022, on croise les doigts. Toujours pas là ? Non. Putain. Bah ouais, mais fais chier. Et puis. Heureusement qu'il y a l'IRSEC hein, quand même pour te saigner quand même. Ouais, parce l'URSAF, que... Limousin 3200 euros, je vous aime, putain. Tu sais que j'ai mis 2 ans à comprendre où je disais, mais pourquoi le Limousin me prend autant de pognon sur mon relevé bancaire ? Je fais, mais c'est quoi le Limousin en fait ? Et en fait, c'était l'URSAF. L'URSAF, ouais. Non, et puis il y a un projet de. De peut-être spermer dans des pots et peut-être créer la vie, on verra quoi. Donc une année un peu game changer, comme diraient les gamers, et voilà. Bah ouais, bah moi aussi, une année, je tryhard le sperme, ouais. Énorme tryharder, bah je dis, il faut y aller parce que quand t'as pas de wifi, mon pote. Allez. ouais, parce que je savais pas que quand tu ouvres Safari sur téléphone, il y a direct un porno. Non, il refresh automatiquement. Et du coup, ça relance. Bah, du coup, la moi, vidéo. Et non, ça relance. Ah, t'avais bah, préparé des mis. Pornos en amont. J'étais sur Reddit parce que ouais. Je suis très intelligent. Ah, tu te branles sur des mèmes. Ouais. Okay, et du coup, et dès que j'ai ouvert Safari, tout a disparu, tous les evil, je sais pas quoi. Tu te branles sur des threads horror. Exactement. Cool. Ouais. Et du coup, bah voilà, donc faites pas comme moi parce que ouais. Bah je sais pas quoi faire du coup en fait. Mais y a pas des pornos, y a pas des magazines. Non, y avait un écran. Qui reflétait mon visage uniquement. Ah oui, comme quand. Tout simplement. Et donc, ce qui te donne encore bah, trop envie de bander. Quoi. C'est la fin de okay, ce podcast. Allez. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Les recos. Non, faire sur heures, terre. Ouais, non. 2h23. Bon, heureusement, on va couper une bonne heure. Mais merci en tout cas de l'avoir écouté. C'est pas la fin de l'année encore. Nous, on fait encore, on ben a encore oui, un ou deux vous, épisodes. On va essayer de tenir, sachant que, à tout moment, sans trop en dire. un événement personnel fait que il y aura peut-être pas tout de suite des émissions. Mais voilà, n'en disons pas plus, qu'on sait pas comment ça va se passer. Mais un projet qui arrive lourd. Okay, on va streamer fort. Je vous embrasse, merci les gars, et à très bientôt. Bisous. Au revoir. Bye bye 2021. Au revoir. Tu nous auras... Dégage. Baiser, putain. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.